Bonjour tout le monde, bienvenue, ici c'est Debout Éducation Populaire, Place de la République. On est le 12 mars, on est le 26 mars, 391 mars. Et on va commencer la 27e session de notre atelier « Quelle société veut-on ?» dans lequel on cherche à réfléchir, définir les contours de la société qu'on veut. Voilà, on essaie de créer une sorte d'utopie sur la place de la République pour le monde qu'on veut. Et on a parlé la semaine dernière et on continue de parler cette semaine de la société, des questions internationales, les questions notamment de paix et de solidarité. À l'échelle internationale, dans la société qu'on veut, mais je pense qu'on pourra élargir ça à pas mal d'autres choses qui concernent l'international. Alors je vais commencer par vous lire ce qui a été dit la semaine dernière lors de la 26e session. Alors je vous fais une petite lecture du CR pour que vous ayez un petit peu un avant-goût de ce qui se dit et de ce quoi on discute dans cet atelier. On a d'abord parlé de concordat universel. La déclaration des droits de l'homme est occidentalo-centrée. Il faudrait l'élargir aux autres modes de vie et poser avec une justice qui l'applique plus que le poser en idéal moral lointain, comme c'est le cas aujourd'hui. Les médicaments sont aussi une arme pour rendre les personnes passives, les aliéner au système de sécurité sociale ou pas. Il faut également interdire la marchandisation de l'armement. L'armement est un moyen de pression et de domination. Ça devrait être détruit sur l'ensemble du globe. En plus, cela produit beaucoup de déchets. Produire des guerres, c'est un fonds de commerce entretenu par les puissances mondiales. Quelqu'un qui se sent soumis va devoir se défendre et souvent nous désigne un ennemi fictif pour créer une union nationale. On entretient donc la peur pour consolider les gouvernements qui se présentent comme protecteurs. Les ressources nécessaires pour fabriquer l'armement maintiennent les populations dans une grande pauvreté, pour l'avoir à merci. Pour sortir du contrôle des grands groupes, nous pouvons développer l'autonomie en redonnant aux populations l'accès à leurs ressources et aux moyens de production. Il faut notamment interdire les OQT, qui sont les obligations à quitter le territoire. Ça, ce serait banni, évidemment. Mettre aux frontières un contrôle pacifique garantissant une libre circulation et une justice internationale. Il faut éradiquer la misère du monde et respecter la culture de chacun en n'intervenant pas dans les conflits, non à l'exploitation d'autres pays. Tant qu'il y aura des inégalités, il ne pourra pas y avoir de paix sociale. La guerre profite au capital, cela relance la consommation. La destruction et la peur lui apportent beaucoup dans une logique de confort et de prévention du risque. Les journalistes indépendants sont directement visés par les militaires. L'ONU ne fait pas son travail pour les protéger, alors que cela devrait être un organisme de contrôle et de protection. Ce sont des enjeux politiques plus qu'idéologiques qui déterminent les actions de l'ONU en lien avec les pouvoirs militaires et financiers, soit dit en passant. L'ONU doit être en lien avec les journalistes indépendants et la population pour orienter ses actions. Ainsi, plutôt que détruire, commencez par construire autour de nous, petit à petit, de plus en plus loin. Ne pas revenir sur la peine de mort et interdire tout type de torture dans le monde. En France, la paix et la solidarité ne sont pas du tout en place. C'est donc difficile de se projeter dans une logique internationale, surtout que cela est laissé aux mains des gouvernements. Les conflits arrivent déjà à l'intérieur de nous-mêmes. Les discours et les représentations nous divisent bien plus que les besoins réels. Par exemple, nous avons besoin de tout ce qu'il faut pour partager l'espace-terre. Et pourtant, on s'imagine qu'on se bat contre les autres, alors que c'est contre des images qu'on se bat. La société entretient les frustrations pour nous mettre les uns contre les autres et imposer des visions du monde qui seraient incompatibles. Ce qu'il faut d'abord déconstruire, ce sont les systèmes de domination. Déjà, poser « ils » comme des ennemis nous place dans des représentations floues qui attisent les fantasmes. Internet peut donner accès à d'autres discours, à condition que les monopoles des GAFA ne nous imposent pas des algorithmes qui reproduisent cet enfermement dans une vision du monde avec des bulles de filtrage. C'est comme si on était dans la rue, sauf que c'est du virtuel. Cela nous coupe de la découverte immédiate, à partir du corps, du ressenti, et accentue aussi la crainte de s'engager auprès de l'autre. On arrive bien au tout sécuritaire. Avec le virtuel, on crée psychologiquement une expérience, ce qui produit une division interne par rapport à l'environnement proche. comprenne qui pourra. Accueil, l'accueil des réfugiés. Connaître les chaînes de production à l'international. Travail des enfants, surexploitation, salaire de misère, conditions de transport. Le confort et le numérique nous font oublier toute l'exploitation qu'il y a derrière. De même que la recherche constante du prix du plus bas qui nuisent aux humains et à l'environnement. Prendre en compte la conséquence de nos actes plutôt que de se voiler la face. Beaucoup d'autres pays imaginent qu'on est libre, et c'est une illusion. Une fiction produite à laquelle certains et certaines parmi nous croient. Nous sommes archi-dépendants de notre confort, et celui-ci est entièrement contrôlé par d'autres. Les enfants deviennent des robots contrôlés par les images qu'ils ingèrent et produisent sur les réseaux sociaux. Leur perception du monde, leur corps est aplatie. L'exploitation des autres pays est aussi possible par un manque d'éducation, entretenu volontairement par les gouvernements. C'est une corruption systématisée. Voir le documentaire « L'homme qui répare les femmes » sur ce qui se passe en République démocratique du Congo. Il montre l'exploitation des richesses et des hommes. C'est cela qui gangrène l'Afrique. Il faut aussi mettre fin au racisme et aux discriminations. On vit dans une société de plus en plus injuste alors qu'on fait paraître l'inverse. Il y a une illusion de pouvoir parler, manifester, alors que cela est beaucoup plus réprimé. Les jeunes dans la rue sont en danger. Même quand le peuple s'oppose aux lois, elles passent et la démocratie représentative nous maintient dans une soumission. Les renfermements dans notre petit monde nous empêchent de voir ce qui se passe autour de nous, surtout tout ce qui est rendu invisible, inaudible car non médiatisé. Le racisme est d'abord entretenu par les institutions et leurs bras armés, notamment les médias. Sourire dans le métro et parler à son voisin, cela participe déjà à l'échelle de chacun et chacune au dépassement des frontières imaginaires. Cela perturbe les codes aseptisés et c'est une grande force parce que l'info peut à nouveau circuler. En échangeant en permanence, on peut se passer des outils numériques. Cela dépend en fait de chacun et chacune d'entre nous en rapport avec, le fait de mesurer la conséquence de ses actes. Donc je pense que notamment c'est ce qui se joue sur la place de la République et au sein de Nuit Debout. C'est-à-dire passer au-delà de ces structures numériques et médiatiques et revenir dans le contact humain. La censure bloque la solidarité. Plutôt que les liens entre peuples passent par leurs dirigeants, que cela se fasse directement en favorisant les rencontres internationales, les voyages et les échanges hors du capitalisme touristique. Trop souvent, on pose un jugement sur un peuple en fonction de celui ou celle qu'il représente. Prends par exemple l'exemple de la Russie de Poutine ou encore des États-Unis de Obama puis ensuite de Trump. Donner des moyens aux réfugiés de constituer des réseaux une fois dans les autres pays et des relais médiatiques. Possibilité de mettre en place une organisation solidaire. Si on ne va pas chez les autres pour régler leurs conflits à notre façon, dans une volonté de contrôle et de domination, cela laissera plus de possibilités à la solidarité des peuples. Sinon, c'est toujours une entrée dans un marché compétitif où toutes nos richesses, comme nos faiblesses, sont exploitables comme profit du capital. C'est pas de moi. Même la laïcité est un marché pour la non-tolérance. Le corps humain est chosifié comme tout le reste. L'autre n'est plus qu'un moyen pour accéder à ces choses. Les représentants jouent le rôle de personnages, tout comme nous. On consomme notre propre frustration. Il faut être prêt à pardonner et prendre en compte qu'il est difficile de sortir des codes institués, être patient et surtout ne pas imposer les siens. Et je vais finir avec l'OTAN. L'OTAN dont il faudrait sortir. L'OTAN fait peur aux autres pays par l'alliance entre l'Europe et les États-Unis. Ce sont des contrats militaires, ce qui a plutôt tendance à alimenter les conflits pour des intérêts géopolitiques en faisant pression. C'est un outil de domination parfaitement mis au point dans un cadre légal. C'est une logique d'empire pour aller s'accaparer les richesses et un positionnement par rapport à la Russie qui est aussi dans cette logique d'empire. Le fait de massacrer quelqu'un peut donner l'impression d'être Dieu, d'avoir une puissance sans limite. Et en même temps, cela produit des conséquences destructives. La vengeance, la peur, la haine, l'isolement. Les jeux vidéo exploitent cette envie de rébellion, cet isolement, ce manque de contact entre les gens. Et pour finir, l'Union européenne a été créée pour la paix en Europe. Et c'est en fait une coalition entre les dirigeants européens les plus puissants. Ce ne sont pas les peuples qui font des guerres, ce sont eux qui les subissent. Et on les y pousse via la propagande. Voilà, c'est tout ce qui a été dit durant la dernière séance à laquelle je n'ai pas participé. Et donc, je compte bien apporter ma contribution aujourd'hui. Et je vous laisse, je laisse le micro à Jérôme qui va assurer la modération de la séance. Merci. Donc, je tiens à préciser que ça, c'est... Je tiens à préciser que c'est pas nous qui avons écrit ce texte, c'est les gens qui sont venus participer à notre atelier de la semaine dernière qui ont donné leur avis. Nous, on prend tout en note et là, on vient de vous dire ce qu'on a pris en note. Voilà, exactement, le résumé de la semaine dernière. Donc, est-ce que quelqu'un veut réagir directement comme ça ? À chaud, si on peut dire. Quelqu'un veut réagir ? Non ? Allez, c'est toujours... c'est toujours le premier le plus dur. Allez, vas-y. Bon, je reprends le micro. En fait, à la lecture de ce qui a été... de la lecture que j'ai faite d'un peu tout ça, j'ai remarqué qu'il n'y a qu'une seule chose qui a été dite sur les frontières. Voilà, ça parlait des obligations à quitter le territoire. Je pense qu'il est très important de s'interroger sur la question des frontières. Est-ce que l'existence de frontières, c'est quelque chose de d'inaliénable, c'est-à-dire qu'on est obligé d'avoir des frontières? La grande question des frontières, ça touche aussi la question du commerce. C'est-à-dire que on met des frontières, pourquoi ? Pour lever des droits de douane. D'ailleurs, on l'a remarqué, c'est en Europe, les frontières ont été levées pour la circulation des hommes. Bon, ça, c'est pas si important que ça pour ceux qui dirigent l'Europe, mais surtout la circulation des marchandises. Donc la grande question, c'est est-ce qu'on maintient des frontières dans dans cette société internationale, ce monde qu'on veut ? Et là se pose vraiment aussi la question de la souveraineté, la question des États-nations. Il se pose beaucoup de questions et je pense que les frontières dans la société idéale, quoi, je pense que il n'y aurait pas de frontières. Les gens seraient libres de circuler, et tout comme les marchandises, tout comme les idées. Et après, ce serait sur les zones de marché, notamment pour les marchandises, où là, par exemple, on peut permettre à une marchandise d'aller de circuler comme elle veut. Mais par contre, il y aurait des points. Évidemment, il y aurait des points de contrôle notamment pour les douanes et autres, parce que je pense qu'il y a, toute une question il y a toute la question économique qui se pose vis-à-vis de la circulation des marchandises, et sachant que tout cela est lié au système international. C'est-à-dire que quand on parle de l'international, des solidarités, de la paix, toutes ces choses-là, qu'en est-il des marchandises, de l'économie ? Est-ce qu'on a parlé des traités de libre-échange ? Je pense que c'est ça ce qui structure énormément le système international. Ce qu'on appelle la mondialisation, c'est quelque chose qui touche à la circulation des marchandises, au droit d'aller exploiter des matières premières dans d'autres pays, de les exporter. Voilà, on est sur tout cela. Et donc je pense qu'il est important de réfléchir aussi à la question du commerce international, la question de l'exploitation des ressources naturelles et du politique qui au final tranche sur ces questions-là. Ok, merci. Oui. Effectivement, alors moi ça me fait penser à une chanson de Tiken Jacafoli, j'arrive jamais à dire son nom, qui s'appelle Ouvrez les frontières. J'avais vu en concert et à ce moment-là je pensais très fort à Marine Le Pen et j'étais mort de rire. Alors après, après la blague et l'anecdote, mais en fait, moi, alors je sais pas. J'étais pas là la semaine dernière, mais je sais pas ce que ça veut dire frontière en fait. Comment on définit une frontière? Parce que dans cet atelier, tout au long de, désolé pour la voix, hein, je suis un peu enroué, tout au long des séances, en fait, on est, je pense qu'on a, on a bougé ces frontières en fait. Là, dans ce que j'entends, on est encore dans les frontières traditionnelles, dans les cartes, ce qui a été dessiné. On voit d'ailleurs ce que ça fait en Afrique, avec certains pays, c'est limite des angles droits pour faire les frontières. C'est complètement ridicule. Et donc, dans cet atelier, on parlait souvent de choses à petite échelle, de démocratie directe, de vente directe, etc., etc. Et je pense que si si on fonctionne comme ça, finalement, les frontières, elles n'existeraient plus, ou alors elles seraient vraiment très très réduites, et un village pourrait être une sorte de frontière en fait, un quartier pourrait être une sorte de frontière. Enfin, moi j'ai du mal un peu à, avec ce mot-là en fait. Ce que je me suis toujours dit, c'est ces gens qui sont qui ont peur là, et qui sont dans tout sécuritaire, mais comment tu fais pour faire une frontière? C'est, tu peux pas mettre un flic tous les 2 mètres quoi, soit t'enrôles toute la jeunesse, et même si t'enrôles toute la jeunesse en étant flic, il n'y aura pas assez de personnes pour contrôler les frontières. Enfin, quand tu vas dans les Pyrénées, dans les Alpes, et que tu fais des randonnées, dans le sud de la France, tu as souvent des chemins, c'est des anciens trucs de contrebande. Donc les gens passaient déjà. La contrebande passait via l'Espagne, via d'autres pays. Donc pour moi, c'est complètement ridicule cette notion de frontière. Parce que pour moi, c'est déjà un gruyère. Donc après, effectivement, il y a une question de taxes, etc. Mais pour moi, la notion de frontière dans la société idéale ne devrait plus exister. Et finalement, le mode de fonctionnement qu'on aurait, bah, le mot frontière, il servirait plus à rien, en fait. Voilà. Ok. Assez fort. L'étape, comment on fait pour y arriver, va être spectaculaire, à mon avis. Mais je voulais rebondir sur ce qui avait été dit avant par rapport au commerce international. C'est vrai qu'on avait dit que ce serait le thème de l'atelier d'après. Et que là, du coup, paix et solidarité internationale, c'était plutôt pour se recentrer sur les rapports entre humains, de représentation, etc. Et d'ailleurs, on avait dit à la fin du dernier atelier qu'il y avait un point qu'on devait vraiment développer là-dedans, c'était la question du racisme. Donc je pense qu'on peut largement développer ça ici. Mais pour la question des frontières, c'est vrai qu'il y a toujours le double... la double version entre protection et contrôle, en fait, qui à la fois les frontières sont là pour protéger, alors là je dirais par exemple au niveau alimentaire de la qualité, d'éviter voilà trop d'exploitation des richesses aussi, et en même temps le contrôle fait aussi que qui contrôle quoi, donc c'est dans la main de quelle personne, etc. Et ce rapport entre protection et contrôle est toujours quand même assez difficile à articuler, surtout avec la question qui reste toujours derrière, c'est-à-dire qui gardera les gardes. Donc, je trouve ça assez intéressant ce qui a été dit avant sur l'idée qu'en fait, il y aurait plein de localités qui seraient en connexion les unes avec les autres, donc pas du coup de frontières nationales ou continentales par exemple, ou même au niveau de villes, mais que tout serait plus ou moins connecté et en fait, je sais pas, je suis en train d'essayer de clarifier les choses pour faire des propositions, mais... Comme on l'avait dit déjà avant que tout ce qui serait produit et fait dépendrait des personnes qui sont sur place et qu'on favoriserait d'abord ce qui est à proximité, eh bien peut-être qu'il n'y aurait pas besoin de frontières aussi dans le sens où chacun irait un peu là où il veut aller et rencontrerait les personnes qu'il veut rencontrer. Donc il n'y aurait pas d'obligation non plus de se retrouver à un endroit parce qu'on y est né par exemple ou parce que ça nous est imposé par un travail ou autre. Ce qui fait que ça modifie aussi le rapport aux frontières comme étant un lieu d'enfermement pour certaines personnes. Ok, merci. Tu veux enchaîner? Ouais, vas-y. Le concert Ouvrez les frontières, je pense que c'était Tiken Jaffa Coli. Ouvrez les frontières et Africa! Libérez l'Afrique! Du franc CFA, de Bolloré. Merci. Oui, alors je passe une petite information, je sais pas si c'est la société qu'on veut. Ce qui est intéressant sur la question voilà des frontières et puis des communes en fait, et qui sont de cette espèce de d'un monde connecté de communes et autres. Je pense qu'il est très intéressant de si on veut travailler là-dessus, de se plonger sur ce qui sur le les sociétés occidentales à l'époque du Moyen Âge. Vous savez, ce Moyen Âge dont on nous dit tant de mal, où on veut qu'on ne retienne que c'est les pratiques barbares, les croisades, les instruments de torture, enfin bon, bref, la domination de l'Église. Bon, mais en fait, au Moyen Âge, il s'est passé pas mal de choses assez intéressantes, parce qu'avec l'effondrement de l'Empire romain, on s'est retrouvé pendant quasiment 1000 ans avec des sociétés en Europe qui fonctionnaient beaucoup sur des bases communales et avec des pouvoirs royaux qui se sont structurés en état, alors pas état-nation, mais avec des pouvoirs, des monarchies étatiques qui ont commencé à se structurer seulement à partir du 12e, 13e et 14e siècle. Et ça a été très lent. Et en fait, avant cet avènement de l'État-nation, on avait un véritable monde de communes qui étaient très connectées les unes avec les autres, avec beaucoup de voyageurs aussi. On s'est rendu compte avec les travaux récents des historiens que le Moyen-Âge était une époque de circulation extrêmement intense, avec voilà, des frontières qui en fait... Qui n'étaient pas du tout les frontières sur le modèle de l'État-nation tel qu'il a été défini plus précisément au XVIIIe et surtout au XIXe siècle. Donc voilà, pour qui voudrait s'intéresser à ces questions d'interconnexion en dehors des systèmes de frontières classiques qu'on connaît et qu'on nous a imposé depuis 150 ans. Eh bien voilà, je pense que le Moyen-Âge est une période très intéressante à étudier. Super, t'as raison de le dire, parce que c'est vrai que la plupart du temps, quand on parle du Moyen-Âge, c'est exactement ce que t'as dit, c'est barbarie et compagnie. Pour rebondir sur ce que tu venais de dire sur le Moyen-Âge, au-delà du fait qu'il y avait c'était une période de grande migration, de voyageurs aussi, c'était une période aussi où le commerce intercommunal, voire même interrégional, voire international, était très intense, avec une activité économique qui était florissante, une grande activité déjà industrielle. C'est clairement industriel, c'était pas la pré-industrie. Hein. Par exemple, sur la Seine, les deux tiers de la Seine navigable étaient bordés de moulins pour faire de la minoterie, pour couper du bois, pour faire de la pâte à papier, etc. Il y a eu de gigantesques chantiers d'aménagement urbain. Paris, à cette époque, était un chantier permanent où le bruit devait être infernal tellement ils construisaient partout et c'était de la pierre taillée, donc le bruit était continu. Et il y avait aussi des aménagements encore beaucoup plus massifs, comme la création de toutes ces zones d'étangs qu'on connaît en France, comme la région des mille étangs, ce sont des étangs artificiels qui ont été fabriqués afin de fournir du poisson à la population qui était loin des mers. Et ça prouvait qu'en travaillant de manière communale, à petite échelle, on pouvait faire des grandes choses. Aujourd'hui, on nous a fait croire qu'il était nécessaire d'avoir des grands moyens pour faire des grandes choses, alors que dès le Moyen-Âge, on savait faire à petite échelle des choses gigantesques. Et au fait, c'est au Moyen-Âge que le réseau routier français s'est établi aussi. Ok, merci. J'espère que ça donnera envie aux gens de s'intéresser à ce sujet. Tu voulais participer ? Bon, je vais te donner le micro. Pour continuer à ce que tu disais, il y a au Moyen-Âge, on a fait toutes les cathédrales, hein, en à peu près 100 ou 150 ans. Et si aujourd'hui on voulait faire Notre-Dame, par exemple, on n'y arriverait pas. C'est pas possible. Ou alors ça coûterait, je sais pas, 1000 milliards, un truc comme ça. C'est impossible. Comment ? Moi, je voulais dire. tu peux le taper. Et moi, je voulais dire autre chose, c'est par rapport. S'il n'y a pas les frontières ne sont pas nécessaires à partir du moment où il y a la notion de territoire. Il y a des personnes qui vivent sur un territoire qui y vivent, qui y habitent, qui le gèrent ensemble, et surtout qui sont responsables de, du fait qu'ils y vivent. C'est-à-dire que c'est, quand on vit quelque part, on est, si on veut être responsable, on ne peut pas arriver quand on veut et partir quand on veut, comme aujourd'hui beaucoup de gens, des Parisiens qui vont à la campagne, ils voient un terrain, ils l'achètent, ils essaient de faire des trucs, le mois suivant de leur achat, ils commencent à cultiver le terrain alors qu'ils ne connaissent rien au climat, ils ne connaissent rien à la terre. Et forcément, il y a des problèmes. Alors quand ils ont des problèmes, après, ils me disent « Oh, ma mère, j'en ai marre, je m'en vais. » Bon, ben, c'est sûr qu'à partir du moment où on n'est pas responsable de ce qu'on fait, de là où on vit, il y aura toujours des problèmes. Parce qu'il y a toujours des gens qui vont en profiter. L'antidote pour ça, d'après moi, c'est que il y a quand même des contraintes et que les gens qui vivent dans un territoire s'auto-définissent des contraintes pour arriver et pour repartir. Et quand on reste, on décide de rester, on demande la permission, on ne va pas n'importe où, on ne fait pas n'importe quoi. On respecte le lieu et les personnes et le style de vie, la manière de vivre, les traditions, etc. Non, dans un territoire, il y a forcément, dans la campagne, je veux dire, il y a des... Si c'est une plaine, si c'est le long d'une rivière, si c'est une montagne, il y a des frontières naturelles. Il n'y a pas besoin de mettre des barrières ou des murs ou tout ce que tu veux. Ça se fait tout seul. La Terre, la planète, c'est tout. Il n'y a besoin de rien d'autre. Moi, je crois que c'est dommage qu'on oublie toujours cette... pour moi, c'est important quand on dit habiter. Ça veut dire quelque chose. C'est pas arriver dans un appart loué et puis quand on trouve mieux, on s'en va. C'est sur la terre, c'est pas pareil. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais c'est la notion de responsabilité du fait d'habiter. Et d'un autre côté, alors là, je me lance dans un truc un peu bizarre. C'est, à mon avis, il y a un lien très très très étroit entre le fait d'habiter son corps aussi. Parce que c'est des choses que je vois à Paris surtout, c'est des gens où le corps est là, mais eux, ils sont pas là. Et ça me désole. Hein. Je parle pas de toi. Bon, là, il y a un exemple, mais bon, je voulais pas le dire, mais si tu insistes. Voilà, je crois qu'habiter son corps, c'est aussi quelque part une liberté, une contrainte. Enfin, il y a des libertés, il y a des contraintes. Et suivant comment on le vit, on se trouve bien sur un territoire plutôt que sur un autre. Voilà. Attends, je ne vous expliquerai pas ce que ça veut dire. Ok, super. On aura mis 40 minutes à commencer la philosophie. Donc, pardon, excuse-moi. Et ouais, non, mais c'est très intéressant. Moi, je trouve ça bien parce que. La dernière fois, on disait que les conflits internationaux, au final, on pouvait en venir jusqu'à penser que on a des conflits à l'intérieur de nous-mêmes qui nous engagent à nous comporter d'une manière qui crée des conflits à l'extérieur. Et au final, moi, je trouve que ce que tu dis là, ça rejoint tout à fait cette idée-là. Et je pense que c'est non négligeable. Est-ce que quelqu'un veut continuer ? N'hésitez pas à vous rapprocher. Hein, pour les gens qui passent, je le dis, c'est l'atelier du pop, quelle société veut-on ? Et aujourd'hui, c'est paix et solidarité internationale, le thème. Donc chacun... Ah, ok. Oui, parce que dans ce qui vient d'être dit avant, il y a quelqu'un qui a dit, du coup, tu es pour les frontières. Mais il me semble que c'était bien différent ce qu'il a dit. C'est-à-dire que il y a des territoires qui existent et surtout, la terre ne nous appartient pas. Enfin, voilà, c'est pas comme, en effet, un appartement dans lequel on arrive en se disant, de toute façon, ça nous appartient parce qu'on le paye. Et parce qu'on le paye, on peut faire n'importe quoi dedans, etc. Et cette idée-là, justement, d'arriver quelque part de partout, en fait, même où on passe, on pourrait dire, de connaître son implication et aussi les effets que produit son passage, C'est vraiment intéressant. Et le fait d'habiter du coup quelque part, ça veut dire aussi penser à long terme ce qu'on va y lisser, ce qu'on va y produire, et de quelle façon ça va être en interaction avec les personnes qui sont déjà présentes. Et en fait, je le vois vraiment plus comme un enrichissement que comme une contrainte. Je pense qu'on le considère maintenant comme une contrainte parce qu'on est dans un certain rapport au confort, mais qui en fait, je sais pas si on est vraiment plus dans un confort actuellement que ça ne l'a été avant. Mais c'est, ou alors, sauf si le confort c'est de rester du coup derrière son ordi pour jouer et être coupé du monde. Mais ce qui est assez intéressant là-dedans, c'est du coup de se confronter non seulement à d'autres modes de vie et de pouvoir y associer le sien. Donc c'est toujours, je le vois plutôt comme un enrichissement permanent. Et la question des frontières là-dedans, en fait, ce sera à chaque fois des frontières renouvelées entre soi et l'autre. Mais renouvelées parce que, enfin, on va pas nier non plus, on n'est pas, la Terre n'est pas un corps entier où on est tous collés les uns aux autres. Il y a un moment, il y a au moins la frontière corporelle entre soi et l'autre. Bon, peut-être qu'un jour, on vivra dans un monde où il y aura plus de frontières entre soi et l'autre, même au niveau des corps, ça pourrait être assez... Le micro n'aime pas, il est pas d'accord. Donc, voilà. Ok, merci. Madame, je vais faire participer lui et après je vous donne la parole. Alors non, Didier, je te disais... t'es pour les frontières alors, pour te taquiner. Parce que dans ce que tu disais, là, je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Mais là où je t'ai interpellé, c'est le moment où tu décrivais précisément, en gros, les règles de vie sur un territoire. C'est-à-dire en fait en communauté, même si le territoire c'est le Nevada. Hein. Et à un moment donné, tu les définissais si précisément qu'il y avait ceux qui seraient déjà là et qui pourraient dire ici c'est comme ça que ça se passe, et ceux qui n'ont pas leur carte de membre du club. Ben oui. Mais c'est pas du tout ce que tu voulais dire, je le sais. Néanmoins, et pourtant, et je suis d'accord avec toi, moi, mon éco-village, je n'ai pas forcément envie qu'il y ait strictement n'importe qui rentre dedans. Ils peuvent tout niquer. Bah ouais. Donc on a vraiment le droit de poser des frontières imaginaires sur le territoire en essayant, après, c'est la question qu'elles soient justes, en fait. Parce qu'elles, de fait, elles y sont. Là, on est 8 milliards d'êtres humains. On est déjà dans des logiques de territoire. Et à supposer qu'on devienne tout d'un coup assez intelligent pour enlever les frontières légales, il resterait des périmètres, notamment les frontières naturelles dont tu parlais, les rivières, tout ça. Mais on a le droit de défendre la frontière, hein, y compris à nu debout, nom de Dieu. Merci. Et il n'y a pas que les montagnes, il y a les déserts aussi, je pense que ça fait des frontières. Ah, je sais pas. J'ai la voix en haut, c'est pas grave. Bon. Comme ça, voilà. Eh bien, moi, voilà. Je félicite Debout Éducation Populaire. Arrivé ici en France, je voulais continuer à apprendre. Et bien, tout était refusé. J'ai dû faire un parcours de mon propre intelligence. Comme ça? Oui. Alors, en découvrant Debout Éducation Populaire, pour moi encore, c'est beaucoup. Alors là, je suis avec vous pour continuer Debout Éducation Populaire. Parce que ça va nous rapporter très gros. Avec les gens, les personnes comme vous qui sont instruits plus que l'autre qui n'est pas une Française, mais qui parle français. Et que l'autre doit travailler et mettre son intelligence pour arriver. Oh ben, je suis arrivée à tout faire et seule ici par là ça. Et maintenant, ils commencent à demander comment j'arrive à faire tout ça. Ah ben je dis, à présent, je serai plus forte que vous parce qu'il y a nuit debout et debout éducation populaire. C'est tout ce que je voulais dire, comme je ne suis pas encore instruite pour le reste. Merci beaucoup, madame. Mais bon, moi, je vais... Dites pas que je suis instruit. Vous ne me connaissez pas et je ne suis pas super instruit non plus. Donc, En apparence, oui, voilà. Tu viens de parler des déserts comme des frontières. Alors, je me pose en faux. Effectivement, un désert est une frontière pour une société agricole, pour une société urbaine. Mais pour les sociétés nomades ou semi-nomades, c'est un lieu de vie, comme les montagnes, comme les régions polaires. En fait, il n'y a pas d'espace sur Terre qui est inhabitable pour l'homme, il peut être inhabitable pour un type de société. Mais il y a toujours un espace pour une autre forme de société, comme de la jungle amazonienne au désert du Kalahari ou du Sahara ou n'importe, ou même les régions polaires. Des communautés peuvent y vivre. Et donc, justement, là, c'est comme abandonner l'idée de frontières et revoir ça comme des espaces de vie. Je suis d'accord avec toi et d'accord. Merci d'avoir... d'avoir complémenté ce que j'ai dit, mais alors du coup les montagnes c'est pareil aussi en fait. Les montagnes c'est pareil aussi, il y a des gens qui vivent dans les montagnes et tout, je suis d'accord, mais du coup il y a quand même moins de monde, enfin aujourd'hui en tout cas dans les déserts il n'y a pas grand monde qui vit, dans les montagnes il n'y a pas grand monde qui vit, peut-être plus dans les montagnes que dans le désert, je sais pas. Mais donc est-ce que quelqu'un veut continuer? Donc c'est Debout Éducation Populaire. L'atelier « Quelle société veut-on ?» et aujourd'hui c'est « Paix et solidarité internationale ». Donc voilà, n'hésitez pas à participer, à dire ce que vous pensez de ce qui se passe aujourd'hui, de vous, ce que vous voulez. Le plus important c'est vous, ce que vous voulez, mais après on sait que c'est pas évident de le dire. Et surtout sur « Paix et solidarité internationale », le sujet est pas forcément évident. Parce qu'on veut tous la paix, mais on ne sait pas comment on fait pour avoir la paix. Oui, tout à l'heure, je crois que quelqu'un a dit qu'on n'avait pas parlé du racisme la semaine dernière. Donc je vais tenter d'introduire ce sujet très épineux, le sujet du racisme. C'est un sujet d'actualité. Pour moi, c'est pareil, c'est un peu comme le mot frontière, le mot racisme. Je ne sais pas qui l'a inventé, mais c'est vraiment pas beau. Et... comme mot, déjà, à le dire, racisme, race, c'est... Bon, bref. Ça me plaît pas. Bah ouais, mais j'ai un petit peu... Je lis pas beaucoup les bouquins, si tu veux, donc... Non, le racisme, ouais, quand vous prenez le RERB, vous comprenez un petit peu ce qui se passe. Ouais, il y a différents types de racisme. Mais là, dans PS, et effectivement, solidarité, moi, je crois que je suis pas le seul, c'est surtout de l'ignorance, en fait. Et justement, pour le coup, je vais revenir aux mots frontières, mais allez, et barrières, en fait. On a des barrières mentales, des barrières physiques. En fait, on a des idées reçues sur des gens qui ne sont, la plupart du temps, pas vrais. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec différents type de population, même si j'aime pas dire type de population, et la plus chaleureuse, c'était dans les quartiers populaires, parce que les gens ils vous accueillent à bras ouverts, ils ont peu de choses, ils vous font très facilement confiance, et pour discuter avec des gens qui ont la chance de voyager, chose que je n'ai plus, ils disent tous la même chose en fait, quand ils vont dans des pays où les gens sont dans... comparé à nous dans une misère, parce que pour eux en fait ils sont pas dans la misère, c'est limite, c'est normal, donc ça relativise, ils vous accueillent à bras ouverts. Et par contre quand vous avez des gens qui ont un peu plus de fortune ou etc, c'est un petit peu beaucoup, enfin c'est beaucoup plus distant, c'est beaucoup plus froid, c'est beaucoup moins chaleureux. Et après c'est y a plein d'expressions fourre-tout, hein, savoir vivre ensemble, enfin il y a des rappeurs qui font des trucs très très bien et mieux que moi d'ailleurs. Mais en fait, derrière les mots, c'est tout simplement, pour moi, c'est un espèce de gros problème de communication, en fait. Mais effectivement, la communication, elle est difficile. Moi, je sais pas ce qui se passe exactement, autre ce qu'on me dit, je sais pas, en Turquie, par exemple, si on va prendre un pays comme ça, ou en Angleterre. Voilà. Et c'est vrai que c'est dommage. Et en fait, pour moi, c'est ça. Il faudrait trouver un moyen, en fait, de passer outre les médias, tout ce qu'on peut entendre, etc., etc. Il faudrait trouver une passerelle pour éviter ces quiproquos, ces idées reçues. Et je pense que finalement, après, il n'y aurait même pas le mot racisme, il disparaîtrait de notre langage. Je ne sais pas s'il y a un... un équivalent là dans le, ceux qui habitent dans le Groenland là, pour le mot racisme. Je sais qu'il y a des mots qui n'existent pas chez eux. Faudrait qu'on cherche. Mais c'est vraiment un truc à la con en fait. Et pour moi, c'est un gros problème de communication. Voilà. Merci pour ton introduction. En effet, c'est le racisme, c'est pas évident à gérer. Tu veux continuer là-dessus, Antoine, ou pas? Vas-y. Je voulais dire plus ou moins la même chose, mais le truc des frontières, c'est que, alors quand je critiquais les frontières, que je disais que dans la société idéale, il n'y aurait pas de frontières, je parle du modèle de frontières des États-nations qui a été imposé au 19e siècle depuis l'Europe. Vous savez, ce système avec où on fait des cartes et où on borne, en fait, avec un système de bornage et un système où là, voilà, je suis en France, je peux, ou je suis en Belgique, je peux faire ci, je peux pas faire ça, et puis là, je suis en Belgique, je suis en Hollande et je peux fumer ce que je veux ou je ne sais quoi. Bon, voilà, c'est ce système-là où qui crée avec des autorités policières, politiques et autres. Qui pose un véritable problème. C'est le problème qu'on a par exemple dans la frontière avec l'Italie à Vintimille et puis dans la vallée de la Aura, je crois que c'est ça le nom. Voilà, c'est ça le problème de la frontière. Et si on extrapole la question de frontière, je pense que là on arrive à la question du racisme et puis la question de l'ethnicisation des sociétés humaines et là, qu'est-ce que c'est que cette question de frontières pour les sociétés humaines avec le racisme, l'ethnicisation? C'est le fait de définir un « il » et un « nous ». Et le problème, c'est que, bien sûr, il y aura toujours un « moi », un « toi », un « nous », un « vous ». Mais le problème du racisme, c'est qu'il essentialise. C'est qu'il va dire que telle population, elle a telle caractéristique et que ces caractéristiques ne sont pas liées seulement à la culture, parce que la question de la culture, c'est l'écran de fumée que les racistes mettent en avant en disant « Ah oui, les Africains et leur culture ». Voilà, histoire de dire les Noirs, mais les Africains... Est-ce que ça a vraiment du sens? Non, il faut se rendre compte que l'Afrique est un continent gigantesque avec des cultures, des populations extrêmement différentes. Et au sein même de ces cultures, on a des familles qui ont des cultures différentes où on éduque les enfants de telle ou telle manière. Alors pour, par exemple, rebondir sur ce qui a été dit avant, quand on dit on va par exemple dans un pays plus pauvre et on va rencontrer des gens gentils qui vivent dans la misère et qui sont accueillants, qui sont bienveillants, alors que les gens riches sont méchants, sont malveillants, ils ne pensent qu'à leur argent, ils sont renfermés sur eux-mêmes. C'est faux. C'est une essentialisation aussi. Quand on va dans n'importe quel quartier, dans n'importe quel territoire, il y a des gens mauvais. Qu'ils soient pauvres ou qu'ils soient riches, qu'ils aient la peau noire, qu'ils aient la peau blanche ou autre. Et évidemment, quand on va dans un autre territoire, quand on va à l'étranger, eh bien, on va naturellement se retrouver en contact avec les gens, avec les personnes bienveillantes, les personnes hospitalières. Mais toutes les autres personnes du quartier dans lequel on va évoluer, il y a beaucoup de jaloux, il y a beaucoup de salauds, il y a beaucoup de racistes, il y a beaucoup de gens qui battent leurs femmes, il y a des violeurs, et ça, c'est partout dans le monde, dans n'importe quel territoire, qu'on aille dans le 16e arrondissement ou qu'on aille en Seine-Saint-Denis. Donc le problème du racisme, c'est qu'en fait, il essentialise les personnes et il nous empêche de voir, de percevoir la complexité humaine. Et ce sur quoi se base le racisme, c'est les frontières. C'est en disant, il y a les blancs, les pas blancs. Et puis sachant que parmi les blancs, il y en a qui sont plus blancs que le blanc. Et puis parmi les gens qui ont la peau noire, il y en a qui sont plus blancs et d'autres qui sont plus noirs. En fonction, pas forcément en fonction de la pigmentation, en fonction du niveau scolaire, du niveau d'intégration, de la classe sociale à laquelle ils appartiennent. Et le problème du racisme et des frontières, c'est que, voilà, on pose des limitations, des barrières entre des personnes, ce sont des barrières qui sont complètement fausses. Et c'est comme la question de, par exemple, la frontière entre les différents pays. Parce que qu'on soit du côté de la Belgique ou du côté de ce côté-là de la frontière ou de l'autre, mais ce sont les mêmes populations, ce sont les mêmes familles, ce sont les mêmes histoires. Et donc, voilà, je pense que la paix et la solidarité internationale doit... si on veut arriver à ça, il faut briser les questions de frontières, non seulement sur les questions des rapports de force géostratégiques internationaux et autres, mais aussi dans nos représentations de l'autre, de celui qui paraît différent, mais qui en fait n'est pas du tout différent de nous. Voilà, merci. Super, comme introduction, merci. Je réfléchis en même temps que tu parles. Et ça me fait dire que ce serait tout simplement, on essaye d'analyser comme ça pour se rassurer tout bêtement en disant lui qui n'est pas comme moi physiquement, je le critique sur ce truc là. Et s'il est différent de moi physiquement, ça veut dire que moi je peux pas être comme ça. Et du coup tu te rassures en te disant je ne suis pas comme ça. Est-ce que quelqu'un veut continuer sur ce sujet? N'hésitez pas à vous rapprocher. Non? Ça vous évoque rien le racisme? Personne ne... Oula, pardon. Tiens, vas-y. Oui, c'était sur le supposer une nature et une essence. Je pense que ça rassure aussi beaucoup de personnes parce que ça nous conforte en fait dans une identité morale qui nous permet aussi de justifier les actes en se disant oui, mais ces actes sont justifiés parce que l'autre est comme ça et l'autre est comme ça et nous-mêmes, les actes qu'on fait, même s'ils sont pas forcément bons, ils sont justifiés par une morale qui fait partie d'une culture et tout ça, en effet, ça empêche de réfléchir de façon plutôt éthique que morale. Et je me disais sur ce dont tu parlais par rapport à la différence, en effet, il y a autant de différences qu'il y a d'individus, enfin plus qu'une différence de race. Et même, ce qu'il faut quand même prendre en compte, c'est que nous-mêmes, on est différents, on n'est pas la même personne il y a 10 ans qu'on l'est maintenant et on sera pas la même dans 10 ans. Donc la différence, elle est aussi intra-individuelle, pas seulement entre les individus. Et de penser les choses comme ça, ça permet déjà d'avoir un autre regard sur l'autre qui n'est pas figé, qui est toujours en évolution. Et ce serait peut-être bien de le prendre en compte, comme chaque chose est en évolution, dépend des parcours de vie, et surtout n'est pas figé dans le temps. Alors c'est intéressant ce que tu dis, mais moi juste je noterai que... les hommes politiques pourraient l'utiliser facilement en disant non, mais il y a 10 ans j'étais pas comme ça, enfin j'étais différent, maintenant je suis comme ça, et sans qu'on aille regarder d'où vient ce monsieur, ou vous voyez ce que je veux dire. Voilà, c'est dans l'idée. Oui, non, mais c'est encore autre chose, mais c'était juste pour. Il faut faire attention. Je pense qu'il faut faire attention à ce genre de notions, même si oui, en effet, c'est intéressant. Est-ce que quelqu'un veut continuer sur ce sujet? Ouais. N'hésite pas à passer derrière la corde. Vas-y, par la fenêtre. Je suis par la fenêtre, bonjour. Le racisme, déjà, je pense que c'est déterminé qu'il y a des races. Est-ce que c'est prouvé scientifiquement? Il y en a qui le prouvent, il y en a qui le réfutent. Donc, après, c'est dire qu'une race... s'il y a des races, qu'une race serait supérieure et d'autres inférieures. Bon, donc voilà, tout ça, c'est déjà un peu bizarre, puisqu'on sait même pas s'il y avait des races ou une espèce, ou je sais pas, enfin, c'est pas encore très sûr. Bon. Puis en plus, on vient tous d'Afrique, du Moyen-Orient, d'Asie, donc on est tous plus ou moins cousins, non? Merci. Est-ce que quelqu'un veut réagir à ça? Moi, je suis d'accord avec toi. Après, de toute façon, enfin voilà, que les gens arrivent à... que des scientifiques soi-disant arrivent à déterminer qu'il y a des races, tant mieux pour eux s'ils veulent, mais dans tous les cas on s'en fout. Enfin, genre, s'ils voient ça comme des races, c'est pas... Il faut... Ouais, si eux, ça les intéresse de faire ça, tant mieux pour eux, mais on n'est pas obligé de le suivre, comme tu dis, de faire une hiérarchie, quoi. Ouais, voilà. Merci. Tout à l'heure, on parlait du Moyen-Âge. Le Moyen-Âge aussi, il y avait des frontières, mais... au moins en Europe, il y avait une culture, on va dire, chrétienne. Et dans la culture chrétienne, ce qui est fondamental, c'est l'accueil de l'étranger. Je me rappelle, j'ai lu quelque part d'un Chinois qui s'était converti au catholicisme, qui a fait un pèlerinage jusqu'à Rome. et qui passait les frontières tranquillement, et partout dans les villages où il arrivait, il disait voilà, je suis pèlerin, sans parler de quelle religion. Et il y avait toujours une maison, quelqu'un pour l'accueillir, on mettait un enfant avec un autre, on lui trouvait un lit, on lui donnait à manger, etc. Et c'était admis jusqu'au 19e siècle à peu près, quand cette personne arrivait en Pologne ou en Italie, etc., on lui a dit non, bah, tu vas à l'hôtel, tu te démerdes, il n'y a pas de place chez nous. Et d'un autre côté, à la même époque, quand les Européens sont arrivés en Amérique du Sud, en Afrique, ils étaient accueillis, on leur donnait tout ce qu'ils voulaient. Il n'y avait pas de limites, pas de frontières, de guerre et quoi que ce soit. Et le colonialisme a usé et abusé de cet accueil. Et surtout de la violence. Voilà, tout à l'heure, je parlais de responsabilité. Pour moi, c'est surtout le problème de la violence. C'est quand partout où on va, la première chose, c'est de s'adapter à l'endroit où on vit. C'est par exemple en France, on dit ah ben les étrangers, les Arabes, ils sont en France, ils n'ont qu'à faire comme nous. Mais c'est pas ce que les Français ont fait en Afrique ni en Amérique du Sud. Hein, je voudrais bien voir. Alors il y a un truc qui cloche. Et ce qui est important dans la responsabilité, c'est que comme je parlais tout à l'heure, il y avait des territoires. Chaque territoire est un écosystème en lui-même, suivant le climat, suivant la gestion de l'eau, suivant s'il est à la montagne ou à la mer, etc. Mais il y a aussi un écosystème social qui va avec, qui est interdépendant. Et c'est ça, on ne peut pas s'adapter à l'un sans l'autre. Et le marqueur de chaque territoire, pour moi, ce qui est important et ce qui s'est perdu aujourd'hui, c'est les outils, déjà, parce que à peu près chaque région ou presque chaque village avait des outils différents des autres. Et c'était pas un hasard, c'était pas par incapacité, c'est parce que c'était autrement. Et c'était l'outil adapté au territoire et à la personne. Et un truc, bon, que chez nous ça n'existe plus, mais en Afrique par exemple, tout ce qui est artistique a un sens, et pas que la musique. C'est-à-dire si chez un village on pratique un certain art d'une certaine manière, c'est ça la frontière. C'est-à-dire si quelqu'un veut faire de l'art, il a le droit de le faire, c'est pas un problème, mais il le fera autrement. S'il vient d'ailleurs, il fera autrement. Et c'est toujours pareil, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est beaucoup plus fondamental que la couleur de la peau, à mon avis. Merci pour ton témoignage. Est-ce que quelqu'un veut continuer sur ce thème ? Allez, vas-y, tiens. Alors, je suis pas dans le thème en vérité, mais je voulais vous dire comme ça, en prenant le micro, comme ça tout le monde entend, tous ceux qui arrivent encore à prêter une oreille à ce qui se dit dans l'enceinte, on va pas tarder, on a déjà en fait, faut qu'on aille les chercher, les panneaux. Salut Alan. Les panneaux qui vont nous permettre d'afficher, par exemple là, à l'atelier du peuple aujourd'hui, c'est quelle société veut-on ? Personne peut, personne qui est à la distance du bébé là, la dame et du bébé, personne peut le savoir. Sauf si tu le dis, sauf si l'animateur le dit toutes les 5 minutes, bien sûr, ce qui n'est pas le cas. Mais il vaut mieux. Donc il y aura un panneau, ça va être super. Et donc prévoyons une affiche assez grande pour la semaine prochaine. C'est sur le thème d'arriver à la société idéale, ça commence par là. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Alors, est-ce que quelqu'un veut continuer sur ce sujet ? On est sur le racisme, là, pour le moment. On parle de ça. Moi, j'aurais juste une question à poser, comme ça, parce que on dit qu'il faut pas de racisme, ok, et du coup, on fait quoi des racistes ? Qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là ? Une obligation de quitter le territoire pour les racistes, c'est ça ? Non, je sais pas, moi, je me pose la question comme ça. Qu'est-ce qu'on fait d'eux, comment on aborde le truc, parce que moi je suis d'accord pour dire qu'on est contre ça, mais c'est Alors il faut convaincre les racistes qu'il ne faut pas être raciste. Donc comment on fait pour les convaincre? Je ne sais pas. Je pose la question. Moi j'ai mon idée, mais je suis médiateur. Tu disais quoi exactement ta question? C'est comment on fait avec ces personnes qui sont à l'heure actuelle racistes, un peu comme les frontières qui existent déjà, il faut faire avec pour les effacer, ou en tout cas on ne peut pas faire l'économie d'y réfléchir. Qu'est-ce qu'on fait avec les racistes? Et ben, si j'ai demandé le micro, c'est parce que je me dis qu'à Nuit Debout, on a une expérience concrète là depuis bientôt un an. De qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui posent problème, quelle que soit la manière dont ils posent problème. Est-ce qu'il y a une procédure d'expulsion? Est-ce qu'il y a une poubelle dans le cosmos? Vraiment, je le pose comme ça. Est-ce qu'il y a une poubelle dans le cosmos? La question du racisme, je me la pose comme ça. Que ce soit contre les racistes ou contre les juifs ou qui on voudra. La question du racisme. Y a-t-il une poubelle dans le cosmos? Je ne peux pas ouvrir mieux le débat. Allez-y. Alors, je ne comprends pas ton développement. Une poubelle dans le cosmos pour faire quoi? Pardon, je croyais que c'était une image évidente, mais pas forcément. Eh ben, quand on a quelqu'un qui pose problème dans une réunion d'une assemblée d'organisation, comme on fait pour Nuit Debout, ou au conseil municipal, où on voit des fois ils se disputent, ils en viennent aux mains, pas seulement en Russie. Donc on a toujours un problème d'intelligence collective, mais on a surtout un problème de personnes qui sont elles-mêmes mal dans leur peau, au point d'être soit alcooliques, soit racistes, comme on disait tout à l'heure, c'est un gros mot en France, hein. Raciste, il n'y a pas grand monde qui l'assume. Et pourtant il y en a, comme tu dis, et on en connaît parfois dans nos familles. Et puis nous-mêmes on expérimente le racisme à l'intérieur, puisqu'on s'aperçoit tous qu'on a des préjugés, un coup sur les Chinois, un coup sur les femmes. Je sais pas, hein, mais c'est difficile d'échapper. Bref, l'image de... Tu voulais que je t'explique l'image de... Ah oui, pourquoi il n'y a pas de poubelle dans le cosmos? Bah donc, dans un collectif comme Nuit Debout, qui se veut archi-démocratique, archi-ouvert, où personne ne peut prendre le pouvoir, en tout cas, faut pas que ça se voit. Si l'aiguillon, c'est ça, comment on valide la procédure, la proposition d'Antoine, l'autre coup, de virer Andrei et... Gilbert, pendant, voilà, il y a deux citoyens là dans un collectif, c'est comme dans une famille. Si dans une famille on peut être expulsé, il n'y a pas confiance. Et là, dans des groupes comme celui auquel je fais référence, il y a aussi, ça fait bouée de sauvetage pour pas mal de monde finalement. Donc ça devient comme une famille où on se dispute et où l'affectif rentre en jeu beaucoup. Mais donc, est-ce qu'il y a une procédure d'expulsion dans une famille? Est-ce qu'il y en a une, par exemple, dans un internat, où on met les jeunes dits à problème, on les met dans des internats, des foyers, et ils sont encore là menacés d'expulsion? Comment t'as envie de rester dans un endroit où... Donc, à chaque fois, la procédure d'expulsion, elle se pose dès qu'il y a un collectif, que ce soit un peuple d'Amazonie ou une commission Nuit Debout. Et dans les peuples, justement, on y revient toujours à eux, les peuples premiers. Dans les peuples dits premiers, dans les peuples autochtones, ils ont toujours, et ils avaient, plus encore quand leur culture était pas aussi menacée, le pire, c'est la procédure d'expulsion. Enfin, c'est très très très rare que ça arrive, et la personne, dans certaines mythologies, elle va se laisser mourir en dehors du groupe parce qu'elle peut pas vivre sans le groupe. Donc la procédure d'expulsion, je la pose comme ça. Est-ce qu'il y a une poubelle dans le cosmos? Est-ce qu'il y a un endroit où on peut jeter la maladie de quelqu'un? Que cette maladie s'appelle le racisme, l'alcoolisme, ou simplement une vraie maladie qui tue du foie ou des reins ou je sais pas où. Parce que ça aussi, c'est chiant à fréquenter, les gens en souffrance. On a tendance à les exclure, les gens en souffrance, comme ils sont assez chiants à fréquenter pour certains d'entre eux. Mais d'autres sont charmants. Procédure d'expulsion. Alors ton explication, c'est intéressant à développer. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Et ou alors je comprends mal, mais parce que tu es pour l'expulsion ou contre l'expulsion? J'ai pas compris en fait. Ah, c'est une question, d'accord. On doit en débattre. Ok, d'accord. Bah oui, bah je suis d'accord avec toi alors. Et tu veux? Ok, d'accord. Vas-y. Moi, j'ai juste une réponse rapide. Il y a déjà une poubelle. Ça s'appelle le gouvernement. Oui, parce qu'au final, le gouvernement, ils se sont dit, les gens, enfin ceux, c'est même pas le gouvernement d'ailleurs, mais ceux qui veulent, avoir beaucoup d'argent, de l'argent, du pouvoir, les gens qui veulent répartir le pouvoir ils les mettent de côté, ils leur disent mais eux on veut pas d'eux parce que ils sont tu vois ce que je veux dire, ils sont pas dans nos idées, du coup on les met à l'écart et du coup les gens ils se retrouvent dans la rue, ils se retrouvent comme tu dis dans l'alcoolisme, dans la drogue ou je ne sais quoi, plein de choses. On les rejette d'une certaine manière. Donc oui, il y a des, je pense aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui se sentent expulsés de la société déjà. Donc si ceux qui se sentent expulsés commencent à former des groupes en disant bah ceux qui pensent pas comme nous, on va les expulser. Là, ça devient compliqué là. Après, c'est que tu prends la place de celui que tu critiques. Donc, c'est intéressant. Moi, je pense que c'est vraiment une discussion. Enfin, c'est très long. Il faudrait que tout le monde puisse s'exprimer. Tout le monde. Je sais pas. Est-ce que il y a là, on parle tous un peu en petits groupes. Est-ce que quelqu'un, tu veux t'exprimer sur le sujet? Vas-y. Franchement, faut se lancer, les gens. Allez-y. Parce que sinon, après, on monopolise la parole et on va nous dire « Ouais, c'est toujours les mêmes qui parlent. » Oui, bonjour. Ok. Moi, en fait, c'est le racisme avec l'immigration. Oui. Oui, oui. Ouais. C'est le racisme avec l'immigration. Pour moi, aujourd'hui, ça me fait mal au cœur. Si tout le monde parle du racisme et de l'immigration, je prends un exemple. Si tout le monde restait avec ses cultures, avec ses richesses, sans qu'il n'y ait d'exploitation ni de colonisation, je te jure qu'il n'y aurait, ce thème n'aurait pas existé, racisme ou l'immigration. Donc vraiment, ça me touche. Aujourd'hui, le gouvernement il parle de racisme, le gouvernement il parle de l'immigration. Et en fait, moi, c'est une manière de nous diviser. Parce que si tu prends un blanc avec un noir, tu enlèves la peau du noir, tu enlèves la peau du blanc, tu vois que c'est la même chair, c'est le même sang. On ne peut pas distinguer le sang d'un blanc avec le sang d'un noir, c'est impossible. Vous êtes d'accord avec moi? Donc pour moi, juste une interpellation quoi. Pour dire que le problème du racisme avec l'immigration, c'est le gouvernement, c'est tout. C'est le gouvernement, c'est tout ce que je voulais dire. Je vous remercie. Merci. Alors moi, je suis d'accord avec toi, mais si tout le monde n'écoutait pas le gouvernement, il n'y aurait pas de problème. Si les gens n'écoutaient pas ce que dit le gouvernement, s'ils savaient que c'était comme tu dis, moi je suis pas d'accord avec ce que dit le gouvernement, donc tu ne vas pas dans ce sens-là. Mais au final, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vont dans ce sens. Mais en fait, aujourd'hui, quand on parle de gouvernement, oui, si la population n'écoute pas le gouvernement, c'est bon. Mais imaginez-vous, le gouvernement utilise, parce que ce sont les plus riches. Ce sont les plus riches. Ils viennent avec toutes les prétentions envers nous. Donc, nous ne pouvons pas, je ne sais pas, résister. Parce que c'est eux qui ont tout le pouvoir. Est-ce que tu comprends? Bien vrai, nous avons l'expression, la libre expression, c'est à nous. Mais face aux oppressions, vous êtes d'accord avec moi que nous ne pouvons rien. Donc, c'est ça aussi. Donc, nous devons ensemble se mobiliser. Parce que je vous dis aussi, il y a des gens aussi qui parlent du racisme, qui défendent le racisme. Mais en fait, c'est pas parce que tu défends le racisme ou soit tu es contre le racisme que tu n'es pas raciste. Parce qu'il y a des gens qui disent, oui, le blanc, le noir, nous sommes tous pareils. Mais au fond d'eux, c'est pas ce qui existe. Vous êtes d'accord avec moi, monsieur? Donc c'est ça aussi. Donc c'est pas écrit sur le front de quelqu'un. C'est pas. Vous comprenez un peu? Donc c'est ça quoi. Alors je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est pour ça que je pense qu'il y a même du on pourrait, enfin, moi c'est pour ça que j'aime pas trop le terme racisme parce que ça enferme et je pense que c'est le but hein, ça enferme dans une vision matérialiste de la chose en fait qui pour moi c'est juste la peur de l'autre et l'autre c'est quelqu'un qui est différent de nous-mêmes, de toi seul en fait. Du coup tu peux être raciste, je suis blanc, je peux être raciste de certains blancs en disant « Ouais, les riches, c'est tous des cons », comme on disait tout à l'heure, c'est ça. Alors que qu'est-ce que ça veut dire « les riches » ? Je sais pas qui c'est, moi. Tu vois ce que je veux dire ? J'entends souvent dire « Ouais, c'est le capitalisme, le capitalisme ». Bah ouais, bah ça veut dire que t'es raciste contre les capitalistes, en fait. Donc, C'est un peu, je fais l'avocat du diable, hein, tu vois, mais c'est... Vas-y, tiens. Oui, faut peut-être pas non plus tout mélanger dans le sens où on peut dire on est contre les riches, par exemple, parce qu'on souffre de notre condition de pauvreté ou d'autres choses. Donc voilà, on souffre toute notre vie, par exemple, j'en sais rien, un ouvrier souffre de son patron, il va être contre les patrons. C'est pas forcément un relié au racisme, c'est pas la même chose. Par contre, quand on disait comment défaire l'idéologie raciste, il y a déjà quand même l'interprétation de l'histoire qui a un poids fondamental. Voilà, tu parlais du colonialisme, mais la façon dont en France est lue l'histoire coloniale, mais ça produit quoi ? Ça produit que les blancs se retrouvent dans un sentiment de supériorité et que, par contre, les noirs se retrouvent dans un sentiment d'infériorité. Parce que l'histoire est lue comme ça. Et elle produit ce sentiment-là qui ensuite se développe de personne en personne et qui fait que même dans le rapport entre deux personnes, une personne noire, une personne blanche, va y avoir déjà ce truc-là institué qui fait que l'autre va se sentir plus puissant et l'autre inférieur. Donc, c'est très différent du rapport capitaliste ou autre qui peut être plus dans le vécu, dans l'expérience personnelle. Là, c'est carrément des représentations qui nous sont instituées par l'histoire où on a une espèce d'impression que de toute façon, ce qu'on a fait, non mais ils nous vendent quand même dans l'histoire qu'on a aidé des peuples. Non mais quelle blague ! Donc en plus, il faudrait qu'ils nous remercient d'avoir fait de l'esclavagisme, etc. Et tout ça, quand même, ça s'imprègne tellement dans les mentalités qu'il y a ce rapport de puissance en fait qui se développe et qui fait qu'à un moment, on va dire, bah non, on veut pas de nous chez eux parce que c'est nous qui décidons en fait. Et c'est plutôt cette mentalité-là qui a à déconstruire que certains pourraient décider pour d'autres. Et ça passe d'abord par la lecture de l'histoire qui... Et là, il y a un sacré boulot à faire, ouais. Alors, suite à ça, je dirais, oui, tout simplement, informez-vous, hein, parce que c'est le plus important au final. Et, ouais. Ah oui, vous voulez parler, monsieur, c'est ça ? Ouais, bonjour à tous. Moi, je suis d'accord avec cette dame-là par rapport au livre d'histoire. Bon, on a été étudiants et c'est vrai que dans les livres d'histoire, on nous parle pas des vraies vérités. On nous parle pas des vraies vérités. Donc, tu arrives à l'école, tu apprends les François Ier, le Moyen-Âge, tout ça. Mais parlez-nous pas de ça. Parlez-nous de ce que vous avez fait déjà dans nos pays. Parce que, si, comme je dis toujours à mes amis, c'est vous qui êtes venus chez nous et non nous qui êtes venus chez vous. Je répéterai bien une deuxième fois, c'est vous qui êtes venus chez nous et non pas nous qui êtes venus chez vous. Vous êtes... Voilà, et maintenant on est chez nous. Je leur dis toujours aux policiers quand il y a des contrôles de faciès, nous sommes chez nous. Nous sommes chez nous, comme vous avez été chez nous. Voilà. Et c'est pour ça que j'explique, tranquillement. Parce qu'il ne faut pas savoir que nous, étrangers, j'aime pas dire même étrangers, on est autant français que vous. Nous ne parlons plusieurs langues que vous. Ça, il ne faut pas aussi l'oublier. Nous parlons français comme vous, nous parlons anglais, arabe. On peut parler toutes les petites langues, tout ça, même les dialectes, tout ça, ce que vous, je ne pense pas que vous pourrez parler comme nous. Ben, c'est pour ça, c'est ça le problème, entre nous, les immigrés, et vous, les Français, parce qu'on est autant Français que vous. Vous comprenez ? Un Français, moi, je le reconnais très bien. Ouais, parce que le vrai Français, moi, quand j'étais petit, j'allais chez mon voisin, ma mère me disait, va chercher du sel, du lait, n'importe quoi, je tapais, je sais que je... Toc, toc, toc, bonjour, j'aurai avec mon petit verre, un petit peu d'huile. On nous donnait la bouteille, on nous donnait le paquet de sucre. Maintenant, allez chez le voisin, je vous tiens tous au pari que personne n'ouvre la porte. Je tiens mon pari maintenant que personne n'ouvre la porte. Qu'il soit blanc, arabe, chinois, n'importe quoi, vous allez chez le voisin, il n'y a personne qui vous ouvrira la porte. Il viendra tranquillement avec l'œilleton. Oh, c'est un noir, c'est un arabe, c'est un chinois, c'est bon. Stop. Alors qu'avant, non, vous ouvrez la porte, vous partiez en vacances, vous laissiez l'éclat à vos voisins, ils rentraient chez vous. Il faisait tout, et vous avez les fleurs, il faisait, et votre chien, vous arrivez au Maroc, vous leur amenez un cadeau. Les samedis, vous leur mettez un couscous ou n'importe quel plat africain ou tout ça. C'est la vérité. Maintenant, je vous tiens au mot que personne ne le fait. Deuxièmement, moi, j'étais gardien d'immeuble avec ma barbe, avec le problème de Ben Laden. Mon directeur, mon gestionnaire habitat, m'a dit, ce serait bien de te raser. Ce serait bien de te raser. Pourquoi ? Ben, barbe, ça fait quoi ? Il n'a pas osé me dire. Vous comprenez ? Eh bien, j'ai démissionné de mon poste. J'ai des valeurs, j'ai démissionné de mon poste. Maintenant, je suis à la rue, je m'en fous. Mais j'ai mes valeurs, je me regarde dans une glace. Comment ? C'est comme les fillons, les tout ça. Comment tu peux dire de raser la barbe ? Est-ce que moi, j'ai dit de te raser la barbe, toi ? Qui dit entre toi et moi, on est intégristes, là ? On passe tous les deux dans la rue ? Moi, je me fais contrôler, mais pas toi. Moi, je me ferai contrôler, mais pas toi. Toi, on va te prendre pour un Danois, ou un Finlandais, ou un Russe. On va te prendre pour l'immigré total. Vous voyez ? Après, comme je reviens par rapport à madame, dans le livre d'histoire, on n'a jamais appris la vraie colonisation. Ça n'a jamais été dans les livres d'histoire. Jamais à l'école. Même maintenant, ça n'a jamais été. On nous parle d'autre chose, François Ier, les Romains, tout ça. Mais on s'en fout, ça c'était avant. Parlez-nous de maintenant ce qui s'est passé. Maintenant, l'État, elle veut nous faire peur. Elle veut nous faire peur. Avant, il n'y a jamais eu la guerre entre les Arabes et les Noirs. Maintenant, c'est la guerre entre le racisme entre Noirs et Arabes. Et il est fort, je peux vous le dire, parce que moi, je suis dedans, je vois. Noirs et Arabes, c'est vraiment une guerre, c'est chacun de son côté. Et racisme contre le Français, j'ai toujours à mes amis, hey, on est en France, on est chez eux. Il y a leurs coutumes, tout en respectant. Moi, quand je vais au Maroc, il y a encore des églises. Le Maroc, il ne faut pas savoir qu'il a été colonisé par les Français et par les Espagnols. Je vous fais un petit cours d'histoire parce que c'est la vérité. Vous descendez le Maroc à partir de Rabat, Casa, puis vous descendez, c'est français. Vous montez Tanger, Tétouane, à l'espagnol. C'est espagnol. Tous mes cousins et moi-même, on parle espagnol. C'est faux quoi? C'est faux quoi? T'es bourré déjà, toi. T'es bourré déjà. Donc je vous explique. Au Maroc, tout le bas est français. Le Marocain parle très bien français, comme l'Algérien et le Tunisien, c'est plus l'Italie. Nous, au Maroc, on parle très bien français du sud. Le nord, on parle très très bien espagnol. Il y a encore des églises, il y a encore des bonnes sœurs. Eh bien, pas chez nous comme ça au Maroc. C'est leur liberté d'expression. On les laisse, les sœurs, tout ça. Mais nous, si vous venez là avec une robe arabe, ben voilà, qu'est-ce qu'elle se croit où, la Fatma? Qu'est-ce qu'elle fait, vous comprenez? Et c'est la vérité, monsieur. C'est la vérité. Il faut nous écouter, il faut écouter tout ce cri qui en a marre. On en a tous marre. Parce que, avant tout, l'État, c'est nous qui payons. C'est nous, avec nos revenus, qui payons nos impôts. Et qu'en haut, ils se gavent avec nous. Voilà. Je tenais à vous dire, et puis on y croit, et puis c'est tout. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton témoignage. Alors moi, juste une précision, en fait, c'est quand tu dis les Français, ils sont comme ça, nous ici, ça nous dérange un peu, parce que quand tout à l'heure, on l'a dit, en fait, ce qui est dangereux, au final, c'est les généralités, tu vois. Les généralités, c'est très dangereux, il faut faire attention. Du coup, quand tu dis, si vous allez chez votre voisin, la personne ne va pas répondre. Comment tu en es sûr? Comment tu fais pour en être sûr? Est-ce que qui sont les Français qui vont pas te répondre? Enfin, tu vois, tu veux préciser ou pas? Tu m'as pas très bien compris. C'est pas la plupart, c'est comme nous. Les Arabes, on n'est pas tous des voleurs. Pourtant, on a toujours cette étiquette là. On a cette étiquette là. Mais non, mais avant, faut pas oublier qu'avant, dans la première, avant, c'était l'Italien, les Polonais, tout ça, on était racistes contre eux. Faut pas oublier la première vague. C'est Italien, Polonais, tout ça. Après, on arrive à Algérie, Maroc, Tunisie, après les Maliens, tout ça. Voilà. Parce qu'il ne faut pas oublier que je te prends à partie tout le monde maintenant là, que demain, tous les immigrés, on arrête, tout est bloqué ici. Tout est bloqué ici. Je te le dis tout de suite. Hein. Mais pourquoi on ne le fait pas? Tout le monde a peur de... Il n'y a plus de... Tu vois qu'on est tous main dans la main. Je te jure, si demain on fait tous une grève, eh ben, c'est fini. Et ça fait depuis 15-20 ans que j'entends ça. Mais personne ne le fait. Pourquoi? Donc il y a quelque chose. Tout le monde a peur de quelque chose. Mais demain, si on s'arrête tous, c'est foutu. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, il y a une dame qui vient nous voir assez souvent pour prôner la grève de la consommation pendant 3 semaines. Mais en effet, la grève de la consommation pendant 3 semaines, quand on est dépendant, c'est pas facile. Ouais, moi, c'était juste pour rebondir sur ce que disait le monsieur. Est-ce que tu as répondu Bon, ouais, faut pas généraliser, quoi. Faut arrêter, quoi. Des racistes, il y en a en France, il y en a aussi au Maroc, quoi. Il y en a un peu partout, hein. Au Maroc, on dit, il y a Carlouche, hein. On n'aime pas les blacks, on n'aime pas ceci, on n'aime pas cela. C'est pareil. Il y a les gens qui aiment pas les juifs, il y a les arabes qui aiment pas les juifs, il y a les arabes qui aiment pas les français. Enfin, bon, voilà. Ce qu'il faut, c'est pas généraliser, quoi. Moi, je vais chez mon voisin, je frappe à la porte, j'ai besoin de quelque chose, il m'ouvre, j'ai besoin de sel ou je sais pas quoi, il va m'ouvrir. Après, voilà. Et qu'ils soient arabes, chinois ou je ne sais quoi. Donc faut pas, surtout faire attention, faut pas généraliser, quoi. Voilà, les Français, il y en a des bons, des mauvais. Après, ce qu'il faudrait, c'est voir les pourcentages, hein. Moi, faut voir les pourcentages de racistes qu'il y a au Maroc, ou de racistes qu'il y a en France, ou de racistes qu'il y a, je sais pas, en Côte d'Ivoire ou je ne sais où, hein. Bon, après en plus, il y a des problèmes. Souvent, c'est des problèmes aussi qu'on nous met dans la tête, quoi. Parce que c'est pareil, sur, par exemple, je sais pas, les Arabes, il y en a qui aiment pas les Juifs, mais c'est parce qu'on n'arrête pas de leur parler de la Palestine, etc. Alors que t'as des Juifs qui sont au Maroc ou en France qui n'ont rien à voir avec tout ça, quoi. Enfin bon, voilà, c'est toujours, voilà, faire attention aussi. C'est pareil, le racisme, hein, c'est quelque chose qui n'existe pas au départ, ça a été créé. Voilà, le racisme, exactement, c'est quand une race, quand on croit la différence de race et quand on pense qu'il y a une race qui est supérieure à une autre, c'est ça. Et donc on a créé ça pour pouvoir coloniser plus facilement, etc., quoi. pour l'esclavage. D'ailleurs, les Arabes, ils ont fait aussi de l'esclavage. Les Noirs aussi ont fait de l'esclavage. Donc après, il faut voir un peu les pourcentages. C'est vrai que le commerce triangulaire, hein, il a fait beaucoup plus de dégâts. C'est lui qui a fait le plus de dégâts au niveau, je crois que c'est, je sais plus, 12 millions d'Africains ou je sais plus combien. Enfin, un gros paquet d'Africains qui sont partis ou qui sont morts. Donc ouais, c'est vrai que ça... Et puis, ils prenaient pas les moins costauds, quoi. Hein, donc pour les emmener comme esclaves. Donc c'est vrai que dans les pays en Afrique, ça n'a pas aidé au développement quand on enlève tout, je ne sais combien de personnes qui sont jeunes, costauds, etc. et qui sont capables de cultiver, etc. Enfin bon, voilà, c'est quelques remarques que je balance comme ça. Oh, mais merci de préciser. Tu veux parler ? Bien sûr que tu peux parler. Alors, je précise, hein, tout le monde peut parler, bien évidemment. Et n'hésitez pas à vous rapprocher, parce que le câble, il va pas être assez long s'il faut que j'aille à l'autre bout de la place pour... alors, j'ai un peu entendu la conversation. Et en fait, on va dire, je vais parler de deux choses. Une qui est un peu partie de la religion et une autre plutôt scientifique. Selon la religion, on vient tous d'une même descendance, d'Adam et de Ève. Donc à partir de là... Attendez, juste je termine, j'ai pas fini. Donc on est tous des frères et sœurs de même descendance. Donc qu'ils soient chrétiens, juifs ou musulmans ou autres, au final, on est tous frères et sœurs d'une même descendance d'Adam et de Ève, parce qu'on a la même histoire. Selon la science, pour ceux qui croient à la science, on dirait qu'on vient d'une descendance des singes, etc. Au pire des cas, on vient d'une même et unique descendance. Donc au final, on est tous des frères et sœurs, on choisit pas notre lieu de naissance, mes parents, c'est pas moi qui a choisi leur rencontre. Mon père, s'il serait parti en vacances peut-être, et voilà, faire quelque chose là-bas, ça se trouve, je serais chinois, je sais pas. Donc on choisit pas les rencontres de nos parents. Donc on peut être français, comme chinois, comme asiatique, comme n'importe quoi, comme hindou ou autre. Donc au final, c'est pas la différence pourquoi il y a le racisme, etc. C'est l'être humain qui veut le racisme. Sinon, à la base, ça ne devrait même pas exister. Pour moi, quand je vois une personne, par exemple un noir, il me dit « je suis noir des blancs », je lui dis « écoute, excuse-moi, mais non, c'est une couleur de peau, tu choisis pas ta couleur de peau ». Si on devait choisir ma couleur de peau ou ma culture, je la choisirais si j'ai envie. Je fais ce que je veux, mais on peut pas. Donc c'est comme notre lieu de naissance. Donc c'est pour ça que je trouve ça dommage que et toute cette polémique, comme vous dites, on essaie de faire des différences, c'est parce qu'on veut diviser. C'est toujours les personnes qui ont le pouvoir qui veulent diviser. Alors que on n'est pas divisé. Moi, par exemple, je parle beaucoup avec des personnes qui sont croyants. On me dit oui, voilà, tel pays musulman. Je lui dis écoute. Si tu connaissais bien la religion, musulman, c'est une communauté. Ça n'a rien à voir avec un pays musulman. Il y a des musulmans en Chine, il y a des musulmans partout dans le monde. Quand on parle d'islam, on ne parle pas d'un État. Moi, quand je vois ce qui se passe en Arabie Saoudite, pour moi, ce n'est pas un pays islamique. Je le dis tout de suite. Et de toute manière, ça n'existe pas parce que l'islam, c'est une religion. C'est pareil avec la France. Ils sont majoritairement chrétiens, mais ce n'est pas un pays chrétien. On ne peut pas donner un pays en disant « oui, voilà, ça, c'est telle personne et telle culture ». Non. On a une culture cosmopolite, on doit tous échanger, et puis voilà. Donc voilà ma façon de penser. Merci, super. Est-ce que quelqu'un veut enchaîner ? Allez, on a des gens qui parlent pas d'habitude, qui osent parler, n'hésitez pas. On est sur l'atelier du pop, quelle société veut-on ? Donc aujourd'hui, à la base, le thème c'est paix et solidarité internationale. Et là, bon, ça a dérivé sur le racisme. C'est vrai que avec les élections en ce moment, c'est un thème quand même qui prend beaucoup d'ampleur dans les médias mainstream, bien évidemment. Donc, est-ce que quelqu'un veut encore s'exprimer sur ce sujet ? On sait que c'est pas forcément évident d'en parler. C'est compliqué. On parle un peu toujours de la même chose. Ah, vas-y. Excuse-moi, tu lèves le doigt, je m'éloigne. Je me pose une question. Est-ce que, l'argent a une couleur, une nationalité ou une religion ? Pour ma part, non. Alors, l'argent, je ne sais pas où elle a été créée, l'argent. Mais en même temps, c'est quelque chose qui a été créé, donc c'est différent quand même. La couleur du dollar, c'est vert. Hein. Voilà. Après, c'est que du papier. Hein. Après, c'est des conventions. Hein. C'est la valeur que tu lui donnes. C'est une histoire de valeur. Hein. Après, il y a du virtuel avec les crédits, les spéculations, etc. L'argent, c'est... Enfin bon, je sais pas, c'est pas vraiment le propos, là. Hein. Bon, je vais arrêter. Bah après, si tu veux, tu sais, regarde, il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent s'exprimer. Donc, si tu veux faire un monologue, je pense que personne ne t'interdira de le faire. Donc est-ce que... Allez, vas-y, tu te lances. Sinon, ça va être moi qui vais être obligé de faire genre je sais des choses. Tiens. Justement, je préfère parler plutôt que ce soit toi. Et je voulais répondre à la personne là qui parlait du... Quand on va chez les voisins chercher quelque chose, par exemple, bon, quand j'étais petit, c'était déjà comme ça. Mais bon, il y avait... dans ma famille, on était presque français, parce que ma mère était polonaise, mais il y avait des Arabes, des Africains, des Polonais, etc. Et ça venait à l'idée de personne de dire d'être supérieur ou inférieur. Mais ce qui se passe maintenant... à propos du racisme anti-immigré, par exemple, vous allez dire comme moi je le ressens, c'est sûr que dans la rue je ne vais pas me faire arrêter par les flics alors qu'un noir à côté de moi il va se faire arrêter tout de suite. Mais d'un autre côté, comme je suis pauvre, moi je le ressens comme du racisme aussi. Il y a plein de choses auxquelles je n'ai pas droit. Quand je rencontre des Français normaux, c'est-à-dire des Français qui ont un travail, qui ont une maison, au moins un logement, etc. Et qui savent que je suis chômeur, retraité, etc. Bon, mais c'est... J'existe pas, quoi. C'est comme... en dessous d'un certain niveau de revenus, bon, ben on est comme un immigré. On est quelqu'un qui n'existe pas, qui n'a rien à dire, et qui a qu'à se taire. Je sais que ça peut paraître difficile à croire, mais c'est un vrai racisme, ça aussi, anti-pauvre. Je suis d'accord. Quand on entend parler Fillon, on peut se douter que ça existe, en effet. Il y a aussi quelque chose qui intensifie le racisme, c'est la stigmatisation de certaines populations par le bras armé de l'État, donc par la police. Samedi dernier, on avait fait une journée sur les violences policières à Stalingrad. Et on s'est bien rendu compte que il y a aussi un moment où quand voilà t'es un jeune basané où tu as une couleur de peau qui tout d'un coup paraît justement il y a une race qui serait suspecte et que tu reçois un contrôle, deux contrôles, quatre contrôles, plein de contrôles de police plus des violences avec, bah il y a un moment tu commences à avoir la haine envers les flics et comme t'as la haine envers les flics et que les flics sont le bras armé de l'État, tu as la haine envers l'État et comme l'État est censé représenter la population française, tu as la haine entre la population française. Et cette haine-là dupliquée de l'autre côté fait que d'autres Français vont voir justement certains policiers être plus ou moins, on va dire, ceux qui ont déjà des représentations que la police ferait bien son travail. Ils vont voir très souvent des policiers donc contrôler des populations pas blanches, hein, disons-le clairement comme ça. Et donc, à force de voir ça, ils vont se dire, tiens, c'est quand même étonnant, c'est toujours les mêmes qu'on voit avec les flics. Donc décidément, ces populations-là, elles doivent toujours faire des conneries. Et bim, voilà, on a la même chose dans l'autre sens. Donc ce qui fait que, quand même, la police a là-dedans un rôle assez fort de rajouter cette stigmatisation, justement, de ces populations, qui a un impact non seulement sur ces populations, sur une haine contre tous les Français, mais qui a aussi un impact sur la représentation des Français de ces populations. Donc, là-dedans, le rôle de la police et de l'État est quand même extrêmement puissant aussi. Donc il y a l'histoire, mais il y a aussi ça. Enfin, je pense qu'il y en a encore d'autres, mais... Merci, en effet, très intéressant ton développement, je suis tout à fait d'accord. En fait, je pense que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que on a une immigration qui est arrivée. Et en fait, dans les cités, il y a eu beaucoup d'immigration. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont mis les gens dans les mêmes endroits. Donc ça a créé une espèce de... En fait, moi je vois dans la banlieue, dans le 93, il y a... Quand j'étais plus jeune, il y avait quand même un peu de mixité, je parle au niveau social et au niveau, je vais dire, des blancs et des noirs et des arabes. Et cette mixité, petit à petit, elle a disparu. En fait, ils ont mis tous les gens du même côté, quoi, et ils ont laissé faire. Ils ont laissé aussi des trafics s'installer, ils ont laissé une délinquance s'installer, alors qu'ils auraient pu aussi faire des choses pour que les choses soient pas comme ça, quoi. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, ce qui se passe, en fait... Ce qui se passe, c'est que la pauvreté elle commence à avoir une couleur, quoi. Alors qu'avant, il y avait des pauvres de toutes les couleurs. Et maintenant, c'est vrai que il commence à y avoir quand même. C'est vrai que quand on pense à un arabe ou un noir, ben, on pense plus qu'il est pauvre qu'il est riche, quoi. Parce que c'est vrai que ben, c'est les gens qui viennent d'Afrique. Et bon, au départ, ben, c'est pas les, c'est les derniers arrivés, donc c'est les derniers servis, hein. Donc c'est l'immigration. Donc au départ, ils font des boulots de merde, etc. Ben, ils sont pas riches, hein. Ils arrivent, ils ont pas, ils connaissent personne, etc. Et donc voilà, on a une pauvreté qui s'est installée et le problème c'est qu'on a une pauvreté qui devient ethnique, quoi. C'est-à-dire que la pauvreté, bah ouais, elle a une culture, elle a des couleurs, alors qu'avant on en arrive un peu comme aux États-Unis, quoi, où on a les noirs qui sont les plus pauvres, après les Mexicains, les Portoricains, etc. Parce que en fait c'est pareil, ce pays il a une histoire. Les noirs c'était les esclaves. Après il n'y a pas eu de réforme agraire. Hein, on a dit ouais, on a aboli l'esclavage, mais on n'a pas redistribué les terres, ce qui fait que bah les noirs ils ont continué à être esclaves, mais avec pour de l'argent, au lieu que ce soit par des coups de feu ou par la force, ça a été avec de l'argent, mais ils ont continué à être pauvres, etc., à être obligés de vendre leur force de travail, comme ils n'avaient pas de terre. Au départ, c'est les blancs qui ont continué à garder leurs terres, ce qui fait que bah les noirs ils sont restés pauvres aux États-Unis. Et puis en France, bah c'est un espèce de résultat c'est la suite de la colonisation, quoi. Comme les gens après ils sont venus en France parce que ils galéraient dans leur pays, hein. Ça c'est tout le monde qui fait pareil, hein. Quand on est dans la merde, qu'on soit, même si en France on n'arrivait pas à bouffer, bon, on irait ailleurs, hein, pour essayer de bouffer. Ça c'est normal, hein, c'est humain, hein. Et donc bah voilà, quoi, il y a plein de gens qui venaient d'Afrique, des noirs, hein, et d'Afrique du Nord, des arabes. Avant c'est vrai qu'on a eu d'autres vagues d'immigration, hein. C'était les Italiens, les Portugais, etc. Et petit à petit ils ont réussi à s'en sortir, quoi, au fil des années. Et puis voilà, après on a d'autres immigrations qui arrivent, c'est comme ça. Aux États-Unis c'était pareil, on a même eu des phénomènes d'immigrés qui sont là avant et qui n'aiment pas les immigrés qui arrivent parce qu'ils vont leur prendre, parce qu'ils se retrouvent directement en concurrence avec eux au niveau du travail, etc., hein. Il y a eu ça aussi aux États-Unis et d'ailleurs le Front National il l'exploite assez facilement. Donc ce qui fait que on arrive à une ethnicité, quoi. Les pauvres ça devient, ouais, c'est ça, les gens d'Afrique du Nord. Avant, c'est vrai qu'avant c'était les Portugais, je me souviens, il y avait les bidonvilles de Portugais. Bon, après les Portugais ils ont commencé à s'en sortir un peu mieux, et voilà. Et c'est vrai que les Portugais ils se fondent plus facilement dans le paysage parce qu'ils sont blancs. C'est plus facile quand on a un visage blanc de se mélanger que quand on a un visage noir, on est plus, voilà, ou qu'on en a, on est frisé avec un peu bronzé, etc. Donc c'est vrai que même si les gens arrivent un peu mieux à s'en sortir. Donc voilà, il y a une ethnicité, enfin au niveau de la pauvreté qui s'est créée, et donc voilà. Après, bon, comme il y a cette ethnicité, en plus il y a eu de la délinquance parce que il y a eu beaucoup de chômage à la même époque, quoi, et ils ont laissé faire la délinquance. Ce qui fait que les policiers ils se retrouvent avec cette délinquance, et un policier, qu'est-ce qu'il fait, lui il se dit et c'est vrai que la délinquance ça se retrouve chez les pauvres, pas chez les riches, hein. Donc évidemment ceux qui vont être le plus touchés, c'est les pauvres, c'est qui, c'est les blacks, c'est dans les cités, c'est les nord-africains, etc. donc évidemment les policiers vont se retrouver confrontés à ces gens-là. Ils vont avoir tendance plus à les contrôler, en particulier les jeunes, parce que c'est pareil, quand on commence à vieillir, on a moins de contrôle, hein, quand on est même black ou d'Afrique du Nord, enfin d'Afrique subsaharienne ou d'Afrique du Nord. On est moins contrôlé quand on vieillit, on est plus contrôlé quand on est jeune, hein, voilà, c'est comme ça. Ou quand on a une tête de sans-papiers aussi, bon, après, que les policiers, voilà, on leur demande de faire du chiffre, hein. Et donc, comme la police va se retrouver confrontée, voilà, au quartier directement, donc ils vont se retrouver confrontés, aux nord-africains et aux subsahariens, et donc ils vont avoir tendance à chaque fois à les catégoriser comme délinquants, mais c'est normal, hein, c'est les pauvres les délinquants en général, hein. C'est quand on est pauvre on est délinquant, hein. C'est plus les pauvres, hein, quand on est issu d'une classe moyenne, quand on est riche on peut s'acheter un portable ou je ne sais quoi, ou parce qu'on est aussi dans un monde de publicité où faut toujours s'acheter le produit qui fait envie à l'autre, quoi, voilà, le dernier Apple, etc. Donc quand on a de l'argent pour s'acheter, on va pas aller le voler, donc évidemment c'est les pauvres qui vont être plus dans la délinquance, faut qu'ils s'en sortent, etc. Il y a eu tout un trafic de drogue, des mafias qui se sont installées, ils ont laissé faire aussi un peu, parce que les politiques, ça leur profite, parce que quand il y a de la délinquance, dans les cités, il y a plus rien de social, les gens ils restent chez eux, ils sont devant leur télé, ils sont atomisés, donc c'est tout bénef pour les politiques, comme ça il y a pas, les gens ils peuvent pas se réunir pour faire de la politique entre eux, voilà. En plus on a les grandes surfaces, hein, les petits commerces qui disparaissent, hein. On a les cités d'un côté, les grandes surfaces, on a de plus en plus de petits commerces qui disparaissent. Même à la campagne, c'est pareil, hein. Donc il y a moins de social, les gens ils se voient moins, donc ils peuvent pas faire de politique, donc les gens ils sont contents parce qu'ils sont devant leur télé, et comme ça ils avalent toutes les conneries qu'ils entendent à la télé. Donc alors pour revenir à la police, alors à la police évidemment elle est confrontée à plus aux gens voilà, ils vont être confrontés plus à des gens qui sont d'origine d'Afrique, donc comme c'est les pauvres, donc il suffit de mettre un petit peu que des gens du Front National, c'est pareil, ils profitent un peu de la chose, leur dire ouais vous avez vu ces gens là machin nanani nanana, que, voilà, puis les policiers vont devenir racistes. On sait qu'on a au moins 50% de policiers qui sont racistes parce que voilà aussi ils sont confrontés à voilà, il y a une espèce de violence comme ça entre les jeunes et la police. Donc voilà, c'était juste pour faire des remarques, quoi, que c'est vrai que on est rendu un peu comme aux États-Unis, on a une espèce d'ethnicité qui est maintenant culturelle et colorée entre guillemets, quoi, parce que bon, hein, le blanc c'est une couleur aussi, hein, mais voilà, quoi, c'est plus des gens, les pauvres c'est plus des gens d'Afrique. Ben voilà, c'est comme ça, donc c'est plus eux qu'on va retrouver dans les prisons, parce que c'est plus les pauvres qui ont tendance à être des délinquants que les riches, voilà. Enfin, les riches, ils ont un autre... Ouais, je m'arrête parce que je me répète. Alors, merci pour ton témoignage. Et moi, ça me fait réfléchir, en fait, pendant que tu parles, et ça me fait dire qu'en fait, enfin, en tout cas, si son équation, entre guillemets, est bonne... Ça veut dire que le problème, c'est de persuader les pauvres qui doivent devenir riches pour être heureux, c'est ça? Parce qu'au final, par tous les moyens, ils essayent de... Quand tu voles, quand tu te mets à voler, braquer des banques, te faire de l'argent en étant un délinquant, tu essayes de devenir riche par d'autres moyens que la société te propose légalement, on va dire, tu vois? Il se sent obligé de fonctionner comme ça pour devenir riche, mais est-ce qu'il va vraiment être plus heureux quand il deviendra riche? Tu vois, je... Oui, tu penses qu'il sera plus heureux quand il va braquer des banques et tu penses qu'il sera plus heureux dans sa vie? En fait, si tu veux, c'est un modèle de société. C'est un modèle de société. On est bombardé de publicité. Et y a quelque chose qu'ils ont bien compris il y a longtemps. Hein. Y a un livre qui est très intéressant qui s'appelle La fable des abeilles de Manville, où il explique qu'en fait, y a un phénomène qui est facile à cultiver, quoi, chez les êtres humains, c'est l'envie. C'est l'envie. C'est-à-dire que quand quelqu'un va acheter par exemple un portable Apple, ce qui lui plaît, c'est pas d'avoir le portable, c'est pas le portable en lui-même, c'est que tous les autres, ils en aient envie. C'est que lui, il possède l'objet que les gens. En fait, il faut le montrer même cet objet. Par exemple, un mec qui a une belle bagnole de sport, il va pas la laisser dans son garage. Ce qu'il faut, c'est qu'il se balade avec la belle bagnole de sport pour que les autres, ils fassent envie aux autres. C'est ça le principe de la consommation et de on peut le dire autrement, le désir du désir de l'autre, hein, pour les psychanalystes ou autres, ou ceux qui font de la philo. Mais voilà, c'est faire envie. C'est que les autres, ils ont envie de l'objet que tu possèdes. C'est ça le principe de la consommation, quoi. C'est comme ça que ça fonctionne. Et donc voilà, évidemment que je sais pas. Après, c'est vrai que tu peux t'apercevoir aussi que t'as une balle de sport et que t'es pas plus heureux. Enfin, après, ça dépend comment tu places le truc. Après, c'est toute une histoire de modèle de consommation. Le problème, c'est que voilà, c'est vrai que le problème, c'est que la pauvreté, en plus, ça, quand t'es pauvre, bah c'est compliqué, c'est assez compliqué. Hein. Il faut que tu manges, il faut que tu t'en sors. Hein. T'as pas... C'est pour ça que l'idéal serait qu'il n'y ait que des classes moyennes. Et pour ça, il faut enlever les riches. Parce que c'est pas parce qu'il y a des pauvres qu'il y a des riches, mais c'est parce qu'il y a des riches qu'il y a des pauvres. C'est parce qu'il y a des riches qui prennent des grosses parties du gâteau les pauvres, ils ont des miettes, quoi. Ils crèvent la faim, etc. C'est parce qu'il y a des gens, ils sont trop gourmands. Toi, c'est ce principe-là d'envie, etc. Après, il y a l'histoire du pouvoir, il y a une espèce d'hubris, quoi. Une espèce de folie, quoi. L'hubris, c'est la démesure, quoi. Une espèce de démesure d'excès qui fait que les gens, ils en veulent toujours plus. Il y a un truc un peu fou, quoi. Parce que y a des gens, ils sont milliardaires, ils ont de quoi vivre pendant des années, etc. Mais ils continuent encore à vouloir toujours plus de pouvoir, à vouloir toujours acheter plus d'autres sociétés, etc. À être toujours dans... Et le capitalisme, c'est ça, hein, ça termine en monopole. Hein. Il n'y a pas de concurrence libre et non faussée. Hein. La concurrence, elle est toujours faussée. Hein. Comme on le sait, il y a 5 centrales d'achat qui détient 90% du commerce en France. Je peux vous dire qu'eux, ils sont copains entre eux. Hein. Et c'est eux qui détiennent le commerce. Eux, ils s'accordent entre eux. Il n'y a pas de problème. Hein. Et puis eux, ils peuvent bouffer tous les petits, hein, tous les commerces, etc. Hein. Ça, c'est les supermarchés, hein, les grands supermarchés. On voit que les commerces ont disparu à partir du moment où il y a eu des supermarchés. Donc, je voulais revenir par rapport aux riches, tu vois. Le problème, c'est les riches. C'est eux qu'il faut bannir de la cité, en fait. Il faudrait bannir les riches, comme ça il n'y aurait plus de pauvres. Pourquoi faut bannir les riches? C'est Aristote qui a raconté ça. Pourquoi faut bannir les riches? Parce que non seulement ils peuvent corrompre les politiques avec leur argent, ce qui se passe en France en ce moment, hein, c'est ça. Hein, parce qu'en fait, si tu veux être président, que tu passes pas la télé de Bolloré, etc., tu seras jamais président. Hein. Je veux dire, les six petits candidats, ils sont pas connus. Pourquoi? Bah parce qu'ils passent pas la télé. Hein. Alors le CSA, c'est un peu délirant. Hein, parce que le CSA, il dit si t'es pas connu, tu passes pas la télé. Mais comme tu passes pas la télé, t'es pas connu, quoi. Enfin, il y a un truc qui se mord la tête, quoi. Enfin, moi, c'est un peu délirant. Donc ce qu'il faudrait, voilà, c'est bannir les riches parce que les riches peuvent corrompre les pauvres. Mais aussi, comme je disais tout à l'heure, parce que quand il y a des riches, il y a des pauvres. Mais aussi parce que les pauvres, eux aussi, quand ils ont faim, eh ben ils sont capables de se faire attraper par n'importe quel démagogue qui vient, parce qu'ils ont faim et parce que voilà, ils n'ont pas le temps de réfléchir. Voilà, comme les classes moyennes qui ont un peu plus de temps de réfléchir. Voilà, c'est ça, quand on a faim, voilà. Pour te répondre. Ok, merci pour ton développement. Moi je suis pas d'accord sur tout, mais je vais pas répondre, je vais laisser les gens parler. Oh là, il y a un problème de câble. Ah oui, tu voulais rebondir. Je peux le laisser rebondir directement et je te passe la parole après. Après, je te passe à Antoine. Pour vraiment rebondir juste là, c'est l'abbé Pierre qui disait il n'y a pas de violence qu'avec les armes. Il y a des situations de violence. Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette et qui ont laissé celle des autres vide, eux sont les déclencheurs de première violence. Donc l'abbé Pierre. Et donc sinon, pour rebondir avant sur les trucs qui peuvent influencer les gens pour l'argent et tout, clairement on voit que les clips de rap dans les années 90 sont devenus très gangsta et ça a mis beaucoup de blacks en prison, beaucoup de choses comme ça. Et il y aurait même des rumeurs comme quoi, avec des papiers, bon voilà, qui montreraient que il y a même l'industrie des prisons. Les prisons aux États-Unis, ils ont financé ou influencé les productions de rap pour que ça devienne gangsta, pour engranger les prisons. Et la plupart des maisons de disques à ce moment-là avaient des parts dans des prisons ou même avaient créé des prisons. Donc c'est un truc à creuser encore, ce que ça vient de sortir il y a quelques années. Ouais, bah honnêtement, ça serait pas étonnant. Hein. De toute façon, quand le problème c'est le pouvoir et que tu veux gagner le pouvoir par tous les moyens, t'es prêt à tout pour avoir le pouvoir. Hein. Bon, bah, je voulais revenir, moi, sur la notion du racisme qui a été développée tout à l'heure. J'ai pas eu le temps plus tôt. Déjà, à titre personnel, c'est vraiment une notion que je ne comprends absolument pas. Parce que je suis à moitié chinois, je suis descendant d'esclaves noirs, j'ai des ancêtres originaires de Bretagne et d'Auvergne, j'ai des ancêtres irlandais. Je n'arrive pas personnellement à comprendre comment on peut dire l'autre est différent de moi, il n'est pas comme moi. Parce que alors moi, ça me place dans une situation absolument incompréhensible. Merci. Du coup, toi. Oui, alors pour rebondir sur tout ce qui a été dit sur le pouvoir et la façon dont les individus veulent avoir plus de pouvoir, plus de richesse, plus que les autres, c'est-à-dire cette espèce de besoin de dominer, je sais pas, t'as expliqué ça de manière un peu avec des bons termes, quoi, avec des termes un peu philosophicaux, je sais pas quoi, mais voilà, cette espèce de besoin qui est cultivé chez les individus et autres, de ce besoin de plus de pouvoir, de domination, ben on le retrouve dans le jeu international et il est cultivé dans le système international. On le voit notamment avec quelqu'un comme Poutine, quelqu'un comme Erdogan qui joue là-dessus, c'est-à-dire la nostalgie de la Grande Russie, de l'Empire turc, de la grandeur nationale, et puis voilà qu'on écrase les autres, voilà qu'on monte les muscles face aux Américains et autres. Alors les Américains, ils le font, hein, mais ils le font plus trop parce qu'ils ont quand même une certaine domination et puis c'est un petit peu en retrait. Je pense que, pour revenir sur le thème, la paix et les solidarités internationales dans la société qu'on veut, il y a cette notion qui doit être réfléchie et qui doit être abandonnée, c'est la notion d'empire. Parce qu'en fait, on est à chaque fois dans des stratégies d'empire. On a l'empire américain, ce qui est un empire militaro-industriel, mais également culturel, et qui joue avec force pour acquérir du pouvoir et s'installer un peu partout. On a aussi l'empire chinois, les Chinois, ils ouvrent, notamment par exemple en Afrique, ils ont ouvert beaucoup d'instituts Confucius qui rentrent dans une logique d'empire, une logique de d'étendre une influence culturelle. Avec évidemment derrière viendront les militaires, les commerçants, les pétroliers sont déjà là, les commerçants sont déjà là, les petites mains sont déjà là, et puis voilà, on ouvre des instituts culturels. Et la question de l'empire, on la retrouve aussi avec la France, parce que la France, c'est pas une république si on regarde dans les faits. La France n'est pas une gentille république démocratique. La France reste un empire. Un empire, ça s'appelait l'Empire français, c'est devenu l'Union française, ensuite la Communauté, et depuis c'est la République française avec tout son arsenal diplomatique, sa présence militaire dans de nombreux territoires africains, tous ces capitaux. Alors voilà, on a par exemple la tête de gondole de ce néocolonialisme français, c'est Bolloré, mais il y en a tellement d'autres, il y a Total, il y a Areva et autres, et tout ça rentre dans des logiques d'empire. Et si on interroge les gens qui sont au Quai d'Orsay, qui sont à la tête de Total, à la tête d'Areva, on voit un peu où chez Bolloré et autres, on voit bien que le raisonnement n'est absolument pas national. Le raisonnement, il est en termes d'empire. C'est on est copains avec les dirigeants africains. Enfin, faut voir, le 16e arrondissement, c'est le copinage absolu entre la haute bourgeoisie française et toute la bourgeoisie comprador africaine. Et bien comprendre que quand on dit on remet en cause les frontières et qu'on veut repenser l'international, il faut bien comprendre que l'international, il est déjà pratiqué par ceux qui dirigent le monde, et donc qu'il faut penser en termes d'empire, et notamment sur un pays comme la France. Alors évidemment, si on pense à je vais même pas dire le Portugal, parce que le Portugal aussi est un ancien empire, mais si on pense à la Slovénie, la Tchécoslovaquie ou le Laos ou des pays comme ça, bon, bien sûr, on peut penser en termes de questions nationales, mais quand on pense à la France et à la politique française, toujours se rappeler et savoir que ce qui se passe actuellement politiquement en France, notamment ces élections, on a des millions de gens sur le continent africain, on a aussi, on a ce qui se passe aussi en Guyane et autres. On a des logiques d'empire qui sont à l'œuvre. Voilà. Et donc, je pense que, et cette logique d'empire, elle se nourrit d'un besoin de pouvoir, d'étendre une influence et un pouvoir. C'est ça l'empire. C'est pas, c'est pas l'empire colonial où j'arrive, je plante mon drapeau. Non, non, c'est beaucoup plus subtil. Et les empires ont toujours existé. Et ils existeront toujours, sauf peut-être dans la société qu'on veut. Oh putain, t'as super bien vendu notre produit là. En plus, c'est assez sympa de te voir assis au milieu avec les gens autour de toi qui sont debout, c'est plutôt sympa. Non mais en tout cas, merci beaucoup pour la précision. Et si je peux me permettre de lui poser une question, parce que du coup, Antoine, excuse-moi, je voudrais juste te poser une question parce que, couplé avec ce que tu disais tout à l'heure sur casser les frontières et ce que tu viens de dire là, je trouve que c'est très cohérent. Mais moi, il y a un truc que j'entends un peu parler par-ci par-là, genre Jacques Attali qui parle du nouvel ordre mondial, qui lui aussi, en fait, veut casser les frontières et créer une sorte de nouvel ordre mondial. Comme tu disais, les gens qui veulent un empire sont déjà là. Donc, est-ce que tu pourrais développer vite fait là-dessus? Voilà. Oui, alors le nouvel ordre mondial de Monsieur Attali, il existe déjà, on le connaît, ça s'appelle l'OMC, ça s'appelle l'OTAN, ça s'appelle l'ONU, ça s'appelle le Congrès de Vienne, enfin bref, ça s'appelle les puissances qui décident de se réunir et de se coordonner entre elles. Voilà, c'est ça. Et ce que demande juste Attali, c'est il est juste pris dans un rapport de force qui consiste à affaiblir encore un peu plus les pouvoirs locaux. Et le principal souci qu'ils ont, c'est le national. C'est là où on a encore des pouvoirs politiques assez forts. Mais ce qui vise à terme dans ce nouvel ordre mondial, c'est au-delà du national, c'est le municipal, le communal, et c'est l'individu même. Voilà. Donc il avance ses idées, ses pions, et à nous de lui répondre. Voilà. Mais je pense que c'est une sorte d'idéal. Et je pense que c'est cette histoire d'ordre mondial. Déjà, il y a ordre dedans. Et je pense que c'est rien que dès lors qu'on entend ordre, il faut voir que voilà, qu'on a quelqu'un avec une mentalité policière derrière ça. Voilà, le nouvel ordre mondial, c'est une espèce d'empire mondial où tous ceux qui n'ont pas acheté le bouquin d'Attali, eh ben, ils n'auront pas voix au chapitre. Merci pour les précisions. Je pense que c'est important parce que, au final, ce que tu viens de nous dire là, ça pourrait, d'après ce que les médias nous racontent en ce moment, ça pourrait rentrer dans le terme de la théorie du complot. Et alors que ça ne l'est pas du tout. Mais je trouve que c'est important de le préciser. Merci en tout cas. Il n'y a pas de théorie de complot, hein, c'est assez simple. Déjà, par exemple, ce que disait le monsieur sur les États-Unis et le gangster rap, hein, je rappelle que le gangster rap en France aussi, il a été médiatisé. Hein. Il suffisait d'écouter Skyrock, je sais pas, j'écoute plus maintenant, mais il y a une époque, franchement, c'est tout le côté gangster rap, il suffit d'aller voir dans nos banlieues, hein, les mecs, ils avaient la même façon de dire bonjour et tout, hein, et puis c'est dans des banlieues, dans pas mal d'endroits sur la terre, hein, où les gens ils se disent bonjour de la même façon, ils portent les mêmes casquettes, ils ont la même façon de marcher, etc. Donc il y a quand même une conformité et puis une propagande quand même pour la délinquance qui est évidente. Donc pour revenir à ce que disait Antoine sur la France-Afrique ou sur Attali. Par exemple, c'est, ben moi je peux citer des faits. Hein. Déjà même avant Attali, Monsieur Pompidou c'était le directeur de la Banque Rothschild. Hein, avant d'être Monsieur Pompidou président de la République. Ensuite, Attali, Monsieur Attali, c'est lui qui a présenté Hollande à François Mitterrand. Après, il est devenu copain. Alors, il était copain avec Mitterrand, mais après il est devenu copain avec Sarkozy. Après il est arrivé. Après, c'est lui qui a présenté un monsieur qui s'appelle Macron à Monsieur Hollande. Monsieur Macron de la Banque Rothschild. Hein. C'est lui qui l'a présenté à Monsieur Hollande, Monsieur Attali. Donc voilà, on voit que ces gens, ils sont quand même importants. Les Attali, les Alamin, les Bernard-Henri Lévy, c'est des gens qui ont des relations, qui ont des réseaux et qui ont vraiment des pouvoirs, sans parler de complot. Hein. Il suffit de regarder qui ils sont. Hein. Monsieur Sarkozy, il se cache pas. Hein, quand le parrain de son fils, c'est Bouygues, quoi. Bouygues, c'est un milliardaire, c'est celui qui possède TF1, c'est celui qui a du BTP. Hein. Le BTP, ça fonctionne avec l'État. Hein. Les mecs, ils font des constructions, il va les construire. Par exemple, les centrales nucléaires, c'est Bouygues qui est là pour le béton. Hein. Toutes nos constructions qu'on a en France, qui sont étatiques, hein, qui sont faites par l'État, c'est Bouygues qui est derrière, quoi. Enfin, bon, voilà, quoi. Et comme par hasard, c'est le parrain du fils à Sarkozy. Après, Sarkozy, quand il a été élu, il s'est pas caché d'aller sur le bateau de Bolloré. Bolloré, c'est quand même lui qui possède je ne sais combien de ports en Afrique, hein. C'est pas un hasard. Et c'est pareil, Monsieur Bouygues, c'est pareil, hein, il a des intérêts en Afrique aussi, hein, c'est pareil. Hein. Bolloré, c'est pareil, hein, c'est lui qui magouille aussi en RDC, où on a des enfants soldats, enfin des trucs assez graves qui se passent, hein, pour le coltan, pour etc. Bolloré, faut suivre un peu, en Afrique, il a des sacrés intérêts. Après, faut voir, par exemple, on a Monsieur Sarkozy qui a mis Monsieur Ouattara au pouvoir. Monsieur Ouattara, il travaillait au FMI avant, hein. C'est des faits, hein, tout ça. Hein. Tout ce que je raconte, c'est des faits. La femme de Monsieur Ouattara, elle était copain avec la famille Bouygues. Hein. C'est des gens qui se connaissaient, la femme de Ouattara. Hein. Voilà. Donc, ça, c'est des faits. Hein. Il suffit de regarder Wikipédia, de vous renseigner, vous allez voir. Hein. C'est pas caché, hein, tout ça. Hein. Donc, voilà. Monsieur Sarkozy, c'est quand même lui. Vous demandez aux Ivoiriens. Hein. Ils vont vous expliquer, hein, que c'est lui. Vous allez voir les gens qui sont tout le temps là-bas, qui défendent Gbagbo. C'est lui qui a viré Gbagbo et qui a mis Ouattara à la place. Hein. Monsieur Sarkozy, hein. Je rappelle qu'il y a des, voilà, comme le disait notre ami Antoine tout à l'heure, hein, il y a des bases militaires, hein, il y a des militaires en Afrique qui gèrent, il y a le franc CFA en Afrique aussi, hein, qui gère la monnaie de pas mal de pays africains, quoi. Ça c'est pareil, hein, c'est pas un mythe, hein, c'est des faits, hein. Voilà. Donc voilà, c'était pour dire pour parler de tout ça. C'est pareil pour revenir à Monsieur Kadhafi. Hein. Monsieur Kadhafi, il était copain avec Monsieur Sarkozy. Vous savez ce qu'il était en train de faire, Monsieur Kadhafi, là? Il essayait de faire une monnaie. Il essayait de faire une monnaie en Afrique, ce qui allait à l'encontre du franc CFA. Je rappelle que c'est le franc CFA. Monsieur Kadhafi, il est en train d'essayer de aller demander à des gens qui sont, par exemple, de du Congo-Brazzaville, par exemple. Alors, demandez s'ils aiment bien Sarkozy. Vous allez voir qu'ils détestent Sarkozy. Pourquoi? Bah, parce qu'il a dégagé Kadhafi. Kadhafi est en train d'essayer de faire une monnaie africaine. Il est en train de donner un peu d'indépendance à l'Afrique parce qu'il avait du pétrole, il avait de l'argent. Donc ça dérangeait. Alors après, évidemment, vous pouvez passer pour un méchant dictateur. C'est vrai qu'il était pas exemple de évidemment, je vais pas le défendre, hein. Mais c'est pas parce qu'il est dictateur qu'ils vont le virer, hein. Ils ont des copains dictateurs en Arabie Saoudite qui financent tous les mouvements intégristes comme en Algérie quand il y a eu la guerre civile, comme ce qui s'est passé en Libye d'ailleurs. D'ailleurs, ce qui est dingue, c'est que, et c'était d'ailleurs comme par hasard, je vous parlais de Bernard-Henri Lévy. Qu'est-ce que c'est que ce mec? Bernard-Henri Lévy, c'est ni un personnage d'État, pourtant c'est lui qui décide de demander d'intervenir en Libye pour dégager Kadhafi. Vous trouvez ça normal qu'un mec comme BHL, qui est rien du tout, qui n'a pas de pouvoir normalement étatique, qui n'est pas ministre ni rien, qui va s'interférer, qui va aller voir Sarkozy. Sarkozy va lui filer un jet privé pour qu'il se balade entre la Libye et etc. Il va faire venir les... Et en plus, ce qui est dingue, c'est que c'est Al-Qaïda qui vont mettre au pouvoir, hein. Comme en Syrie, c'est pareil. En Syrie, vous avez un mec comme monsieur Fabius qui vous dit qu'Al-Nostra fait du bon travail. Al-Nostra, je rappelle que c'est Al-Qaïda. Ça veut dire que on vous fait tout un blabla sur la Syrie, etc. Pareil, le méchant dictateur et tout. Mais en fait, ils sont prêts à aller mettre des intégristes, de financer des intégristes en Syrie. Les Français, hein, je parle des Français. Hein. Tout ça, c'est des faits. Hein, vous pouvez vérifier. Hein, voilà. Donc, ce qu'il faut bien voir. Voilà. C'était juste pour étayer ce que disait Antoine tout à l'heure. Alors merci beaucoup, franchement c'est hyper important. Il va continuer. Moi je voulais juste dire par rapport à ce que tu dis là, c'est voilà, tu t'es informé en fait, c'est tout ce que tu as fait. Tu t'es informé, tu as compris. Et informez-vous, c'est hyper important. Pour moi c'est vraiment le plus important, c'est pour ça qu'il faut pas. Moi ce que je vais vous dire c'est juste un point de vue, ce qu'il vous a dit c'est juste un point de vue. C'est voilà, vérifiez. Faites pareil, tout le monde doit faire pareil. Aujourd'hui c'est facile, avec internet on peut. Et c'est hyper important, voilà. Et partager, bien évidemment, nous c'est ce qu'on fait ici, voilà. Partager quand on a recoupé, discuté et recoupé. Pour rebondir et continuer, Charles de Gaulle avait dit non à l'OTAN, enfin au bras armé de l'ONU, enfin d'être au commandement de l'OTAN. Qui c'est qui nous a remis dedans? Sarkozy. Donc Sarkozy est le principal, hein, de nous avoir remis dans l'OTAN, et il a été en Libye pour détruire un pays qui, Kadhafi bien sûr a volé 400 milliards de dollars, c'était un méchant, mais il voulait faire une monnaie africaine, le dinar or, sur l'or, pas de pétrodollar, pas d'euro, il voulait faire une monnaie africaine, donc ils ont pas du tout aimé, puis ils étaient pas banqueroutiers non plus, comme la Syrie, comme le Soudan, comme le Yémen, comme la Corée du Nord, mais là c'est un cas un peu différent. Mais donc les quatre pays là qui ont pas encore la banqueroutier sur 200, c'est la Syrie, le Yémen, la Libye et le Soudan. Donc c'est très lié à chaque fois avec les banqueroutier, bizarrement, très lié à Sarkozy, très lié à Bernard-Henri Lévy, très lié à l'OTAN, très lié à des choses comme ça qui se voient, c'est des faits pareil. Et Bilderberg, après les Américains, de les Bolloré américains, c'est Soros, Kissinger, Rockefeller, ça c'est du côté américain. Et voilà, oui, il y en a beaucoup qui sont dans des sociétés secrètes, plutôt secrètes, Skull and Bones, où ils gardent les ossements de Geronimo, le dernier, donc c'est pas 12 millions ou je sais plus, enfin le maximum de génocide, c'est les natives indiens américains, les indiens d'Amérique. C'est entre 10 et 80 millions. On n'a même pas réussi à quantifier. C'est entre 10 et 80 millions de morts. Et ils ont gardé les derniers ossements du dernier chef qui les aura résisté pour faire le Skull and Bones. Voilà, donc il y a beaucoup d'autres groupes. Et même le traité de Rome a été fait par le Club de Rome, qui est un club de gens qui ont décidé de faire quelque chose. Et autant qu'on en discute. Et complément d'information, d'après vous, où est située la grande base militaire en Afrique des Français, au Tchad? Quel est le président de l'Afrique, un dictateur? Quel est le président du Tchad, un dictateur? Alors, est-ce que tu veux développer un peu plus, ou juste tu nous laisses réagir à ça? Est-ce que quelqu'un veut réagir par rapport à ce qui a été dit là? Parce que si personne veut réagir, je vais lui redonner la parole, mais ce serait, je sais pas, est-ce que... Ah, tu veux continuer? Le président du Tchad, il s'appelle Idriss Déby et c'est un dictateur de la pire espèce et qui est en très très très bonne relation avec le Quai d'Orsay et notamment avec par exemple quelqu'un comme Monsieur Fabius. Je voulais entendre dire. Ah voilà, c'est. Merci, voilà, comme quoi on peut toujours trouver l'information. C'est juste ça en fait, hein. Il faut s'informer. Moi je pense que quand on est bien informé, quand on se rend compte de réellement. Au final, ces gens-là dont ils parlent, eux, ils s'en foutent du racisme, ils s'en foutent de tous les problèmes qu'on a dans notre vie de tous les jours, parce qu'ils ne les ont pas, ces problèmes-là. Eux, ce qu'ils veulent, c'est le pouvoir, c'est tout, par tous les moyens. Donc pourquoi ? Moi, je ne peux pas répondre, et j'ai pas envie. Mais ce qui est important de se rendre compte, c'est est-ce qu'on veut suivre ces gens-là, ou est-ce qu'on veut faire autre chose ? Parce qu'à mon sens, si on veut la paix, c'est pas très bon de les suivre. Mais encore une fois, c'est que mon point de vue. Est-ce que du coup quelqu'un veut continuer sur ce sujet ? Parce que là on parle de la paix et la solidarité internationale. Ça me paraît important de parler de ce sujet-là parce que c'est des faits, comme tu dis, et ces gens-là ne parlent jamais de paix et de solidarité internationale. Jamais. Ça n'est pas leur mot d'ordre. Devinez pourquoi ils ne parlent pas de paix et de solidarité internationale ? Parce que, comment dire, les marchands d'armes et la France est bien placée là-dessus. Tout à fait, merci. Vas-y. On veut la paix, on veut la vraie paix, comme Balavoine disait sur TF1 en 84, peu avant un accident bizarre d'hélicoptère, mais il a dit on veut la vraie paix. Faut pas se leurrer, c'est pour les marchands d'armes qu'on va dans tous les pays où voilà, c'est pour tout ça quoi, on sait très bien. Et donc l'abbé Pierre donc disait comme je redis c'est la répartition des richesses qui est mal faite, donc du coup il y a une grande partie des problèmes, ça vient de là. Donc premièrement, meilleure répartition des richesses, bon bah on est passé de 80 personnes comme la moitié de la population mondiale à 8 personnes en quelques années, en 5 ou 10 ans. Donc on s'aperçoit que c'est de pire en pire si on fait rien. Donc faut boycotter, faut réfléchir, faut discuter. Merci. Et juste la dernière fois, je voyais un chiffre dans un journal des investisseurs dans la finance qui s'appelle BlackRock, moi je connaissais pas, qui pèse aujourd'hui 4 900 milliards de dollars. Voilà. Donc ça commence à faire. Moi je me dis c'est des chiffres qui sont énormissimes. C'est des investisseurs privés, ouais, dans des qui sont un peu partout. Je sais pas. Dans les grandes entreprises, dans le CAC 40. Je croyais que c'était un truc de milice privée, BlackRock. Enfin, je suis pas sûr, mais il me semblait. Enfin, il y a peut-être des gens qui connaissent. Moi, c'était juste pour rebondir sur ce que disait. Bah, déjà, par exemple, ce que disait la personne précédemment. Bah, la seule question politique qui vaille, c'est la question du partage. Hein. Quand quelqu'un parle de politique et qui parle pas de partage, c'est que c'est un baratineur. Hein. Parce que c'est la seule question qui vaille. Hein. C'est une histoire de partage. La politique, c'est juste une histoire de partage. Si les choses sont pas partagées, on parle pas de politique, quoi. Donc, je voulais juste à propos du complexe militaro-industriel, si vous allez sur internet, il y a un truc qui est super intéressant, c'est le discours du départ d'Eisenhower. C'est 55, enfin, je dirais le premier milieu des années 50, enfin bon. Ce monsieur, ce qu'il est en train de dire, il dit, il y a un truc qui est super grave, il prévient, hein, il prévient quand il s'en va. Et c'est un président, quoi, c'est quand même le président des États-Unis hein, qui s'en va, et qui dit, voilà, il dit, on a eu deux guerres, ce qui fait qu'aux États-Unis, comme on n'était pas toujours au départ, on n'intervenait pas, mais c'est nous qu'on a créé tout ce qu'il faut au niveau armement. C'est-à-dire qu'on a créé des industries d'armement aux États-Unis absolument gigantesques. Guerre 14 et en plus guerre 39-45. Il y avait des Liberty Ships, c'était des bateaux, ils en sortaient un par jour. Ils ont fait je ne sais combien de tanks qu'ils ont filé aux Russes. Ils ont même financé Hitler hein, au départ. Hein. Ils ont essayé qu'on filait aussi de l'armement à Hitler. Hein. C'est les Américains, ils étaient surpris d'ailleurs quand ils ont conquis l'Allemagne en 44-45. Ils étaient surpris parce que les moteurs des camions, ils les connaissaient, c'était des moteurs Opel. C'était des camions allemands, ils étaient surpris, les mécanos aussi, tiens, c'est des moteurs américains, c'est bizarre, bah ouais, voilà. Donc les Américains, alors Eisenhower, il disait, on a une industrie qui est partie, donc on a une industrie énorme, on a une industrie de l'armement qui est énorme. En fait, ça fait vivre je ne sais combien de gens aux États-Unis. Et ça a fait une économie, ce qui fait que l'économie des États-Unis en 39-45, elle a monté, ils ont gagné beaucoup d'argent. Et en plus, ils ont été, c'est eux qui ont gagné la guerre, ils ont fait le plan Marshall, hein, ils ont créé l'OTAN, ils ont créé l'Europe, hein, parce que c'est les États-Unis qui ont créé l'Union Européenne, hein, je rappelle aussi. Hein. Donc voilà. Et ce monsieur, Eisenhower, il s'inquiétait, il disait attention, c'est super grave, c'est que maintenant, les États-Unis, s'il n'y a pas de guerre, eh ben, l'économie va avoir des gros problèmes. Puisqu'en fait, comme on a créé une super grosse industrie de l'armement pendant la guerre, et un petit peu avant la guerre, pour armer tous les pays européens, etc., pour toute la guerre qui s'est passée, qu'on a eue en 39-45, on a une industrie d'armement qui est énorme, et s'il n'y a pas de guerre dans le monde, et ben c'est cette industrie qui s'effondre, quoi. Donc voilà, alors, monsieur Eisenhower, vous allez sur Internet, hein, discours de départ d'Eisenhower, hein, et vous allez voir, il prévient, il dit, voilà, attention, on est rendu dans un truc assez grave. Juste, je rappelle qu'en ce moment, on a un groupe qui s'appelle Carlyle, hein, c'est pareil, on a eu Bush, hein, Bush, c'est pareil, hein, c'était Bush, il était lié au groupe Carlyle, à ce fameux groupe Carlyle où on a des anciens personnes de la CIA, hein, tapez groupe Carlyle aussi, vous allez voir, c'est super intéressant. Et ce groupe Carlyle, c'est un groupe qui mélange l'industrie du pétrole et l'industrie de l'armement. Et les Bush, ils étaient liés dans ce groupe, et on avait aussi les Ben Laden, hein, comme par hasard. Hein. On sait aussi qu'avec le rapport du 11 septembre, il y avait des histoires avec les Saoudiens qui sont en cause dans les attentats du World Trade Center. Donc ce groupe Carlyle, je voulais juste vous dire qu'en ce moment, vous savez qui c'est le président du groupe Carlyle en ce moment ? Eh ben, c'est le demi-frère de Nicolas Sarkozy, comme par hasard, parce qu'il a un demi-frère américain qui est là-bas, qui a un nom, qui a un beau-père, je crois, qui était dans la CIA, enfin qui était lié avec la CIA. Et le patron en ce moment de ce groupe Carlyle, eh ben, c'est le demi-frère de Sarkozy. Voilà, ça c'est encore un fait. Hein. Vous tapez Carlyle et vous allez voir, vous verrez que voilà, comme par hasard, Sarkozy il est encore là-dedans. Quoi. Enfin, il y a encore des gens de la famille Sarkozy qui sont là-dedans, comme par hasard. Oui, en effet, comme tu le dis bien, comme par hasard, parce que j'ai l'impression que le hasard fait bien les choses avec ces gens-là, en tout cas. Est-ce que quelqu'un veut continuer sur ce sujet ? Veut nous donner son... Madame, non, toujours pas décidé à participer Non, personne veut continuer, donc là, c'est toujours l'atelier du peuple. Quelle société veut-on sur la paix et la solidarité internationale ? De toute façon, on a bientôt fini, donc je veux juste prendre les dernières interventions. Je sais pas quelle heure il est, là. Oh oui, bah voilà. Est-ce que quelqu'un veut prendre la dernière intervention ? Merci. C'est encore plus exclusif, donc il y a quelqu'un qui devrait se... Bah, paix et solidarité internationale, c'est toujours ce sujet dont on parle. Merci. J'ai passé 4 ans à Berlin. Il y a eu à peu près 500 000 réfugiés qui sont arrivés en 2 ans. Donc il y avait beaucoup à faire, on a beaucoup réuni à manger, donné à manger, les vêtements, fait des soirées, réuni de l'argent, donné pour stop déportation, qui a aidé juridiquement et dans les camps, enfin bon, voilà. Donc j'ai appris de Syriens pas mal de choses, puis après j'ai recoupé avec d'autres personnes, d'autres sources, et puis bon, le problème en Syrie, c'est quand même, encore une fois, la CIA, une grande partie qui a financé les rebelles, une bonne partie des rebelles. Il y a les Français aussi, Al-Nusra, qui est devenu après, qui était déjà terroriste, mais qui est redevenu terroriste, bizarrement. Enfin, bon, la France a aidé Al-Nusra. Et en fait, c'est surtout, c'est les histoires de gazoducs. Voilà, donc il y a les problèmes aussi d'Iran, d'Arabie Saoudite, hein, depuis des millénaires. Il y a Israël, Syrie. La Russie, il y a les Américains, il y a les Français, il y a le Qatar, et donc il y a le gazoduc qui part de la mer qui est là-bas, je me rappelle peut-être la mer Noire, je suis pas sûr. Et donc il y a deux tracés, et en fait, ils se battent pour savoir qui aura le tracé, qui aura le pays, et apparemment, il y en a qui ont été un peu déçus de pas avoir le projet, donc ils ont mis le pays à feu et à sang, et c'est une des raisons. Il y a beaucoup de raisons, mais c'est une des raisons, c'est le gazoduc. Donc consommons moins peut-être aussi. On a une part de responsabilité avec la voiture ou avec le chauffage. Essayons de savoir vraiment ce qui se passe là-bas, parce que c'est pas que Bachar al-Assad qui fait n'importe quoi, c'est pas que Poutine qui fait n'importe quoi, c'est pas que c'est un peu tous les pays, tous les gouvernements. Et beaucoup l'Arabie Saoudite et d'autres qui en effet ne sont pas islam, ils sont wahhabites et il y a des réunions qui ont dit qu'ils étaient même pas de la religion, enfin ils étaient même pas islamiques en fait, enfin musulmans, enfin voilà. Donc l'Arabie Saoudite fait pas mal de dégâts là-bas. Et la Syrie les rebelles aussi ont gazé, le front al-Nusra a été financé par la France, donc je veux dire, voilà, enfin ça Mélenchon aussi le dit depuis un an et demi, Asselineau et d'autres, et puis faut savoir qu'il y a Sarkozy encore trempé là-dedans, mais bon, voilà. c'est bien, t'es parti. Oui, mais justement, faut pas s'arrêter au personnage, parce que voilà, les idées continuent. Du coup, c'est plutôt ça qu'il faut, à mon avis, combattre. Et encore, le mot combattre n'est pas forcément bien approprié, je pense. Éclaircir, voilà, exactement, merci. Et donc, le mot de la fin, ce serait informez-vous, c'est le plus important par rapport à tout ce qu'on vient de nous dire à la fin, sur tous ces sujets-là, la paix et la solidarité internationale. Et puis, tu veux parler ? Alors, donc c'est l'atelier EducPop de la commission Debout Éducation Populaire, et on parle de la paix et la solidarité internationale. Est-ce que tu veux nous dire un mot là-dessus ? Comme ça, tu fais la conclusion. Tu fais la conclusion ? Vas-y, je te laisse faire la conclusion. Bon, bah, moi, je vais juste dire une phrase, parce que j'ai pas grand-chose à dire. Mais moi, je dis ça marche pas. Ça marche pas ? Ah, ok, bah, comme le micro. Alors, ça marche pas, d'accord. Bon. Est-ce que t'es sûr que t'as que ça à dire ? Bah voilà. Bah c'est bien. Voilà. Tiens, vas-y. Par quelques pays, il y a des efforts qui sont faits. Je pense, hein, de mon point de vue, de petit enfant de 13 ans. Ça m'étonnerait que ça intéresse grand monde et qu'il y ait beaucoup de gens qui sachent moins que moi. Mais voilà. Alors, c'est pas parce que tu connais pas les détails que tu comprends moins les choses. Voilà, bon, on va finir là-dessus. Je suis content, là, j'ai réussi ma fin. Je vous souhaite à tous une super après-midi, une bonne fin de week-end, retournez au travail content demain matin si vous y allez, et ceux qui n'y vont pas, vous avez de la chance, et voilà, profitez bien en tout cas, et on se revoit la semaine prochaine. Bah non, ça commence, ouais, vas-y, tiens, tu vas faire l'annonce. Alors oui, le week-end prochain, c'est un week-end un peu spécial, parce que ça fera un an que Nuit Debout est arrivée sur la place de la République et dans plein d'autres endroits de France. Donc il y aura du coup beaucoup d'activités entre le 30, le 31, le 32 et le 33 mars, ou 1er et 2 avril, en fonction du calendrier qu'on choisit. Donc le 30 mars, sur la place, au soir, il y aura les Jours Heureux qui seront là, qui vont faire une célébration du Conseil National de la Résistance. Et ensuite, il y aura Jour Debout qui vont préparer justement une grosse manifestation le 23 avril, en même temps que le premier tour des présidentielles. Après ça, donc le vendredi soir, donc il y aura le vendredi, pardon, déjà dans l'après-midi, donc Debout Éducation Populaire sera sur la place pour accueillir les autres Nuits Debout de France et leur proposer de nous faire un petit bilan, une réflexion sur ce qu'ils ont dit. Il y aura aussi le Théâtre Forum en même temps. Et l'après-midi, à partir de 18h, il y aura une assemblée sur un an après Nuit Debout, qu'en reste-t-il ? Après ça, il y aura un concert et une projection de film. Le samedi, on sera pas sur la place de la République parce qu'il y a un festival de l'engagement qui est fait ici et qui va prendre toute la place. Donc je vous invite plutôt à nous suivre. On sera le matin aux Tuileries, donc ça dépendra de si on a le droit de s'exprimer là-bas ou pas. Et à partir de 14h, on sera à Stalingrad, justement pour mettre en place des ateliers. Il y aura aussi une assemblée qui sera faite dans la soirée, projection de films et concerts pour... oui. Et le concert, ça sera du beatbox, reggae, trip-hop, dub, et vous pouvez tous participer si vous avez un instrument ou venir faire du MC. Venez jouer avec moi. Voilà, vous avez un avant-goût. Et ensuite, donc dimanche, il y aura une grosse journée en clôture de ce week-end, enfin en clôture. On va dire que ce sera la fin du début. De ce week-end, toute la journée donc sur la place, il y aura pas mal de collectifs, de commissions de Nuit Debout qu'on n'a pas vu depuis, enfin qui n'ont pas forcément été là pendant l'hiver, mais qui ont envie de revenir sur la place, qui vont venir là pour présenter ce qu'elles ont fait et aussi ce qu'elles prévoient pour la suite. Il y aura aussi à 17h du coup un rendez-vous des printemps 2017. Donc l'idée, c'est que toutes les personnes qui mènent une lutte, quelle qu'elle soit, quel que soit leur mode d'action ou bien entendu, en général, c'est quand même plus ou moins contre le capitalisme. Mais qu'elles viennent un peu présenter voilà ce qu'elles font et que comme ça on puisse construire à partir de là un agenda commun. Et ensuite à 19h, il y aura l'orchestre Debout, je pense que vous avez déjà vu sur la place de la République et c'est assez extraordinaire. Et ensuite, il y aura film et débat. Donc vous êtes plus que les bienvenus pour venir non pas seulement observer mais surtout y participer et y prendre part. Voilà. Yeah.